Du coup, on s'excuse encore pour les conditions, pour la taille des salles. On est encore en train de chercher pour avoir un lieu permanent un peu plus agréable et spacieux pour la suite de l'année. Je vais juste faire une annonce très courte en quelques mots pour vous dire. Donc en juin dernier, on avait fait une séance avec Alain Badiou. Le texte de cette séance, qui a été un peu remanié et augmenté, a été publié donc hier sous forme d'un petit livre aux éditions Fayard qui s'appelle « Je vous sais si nombreux ». Donc voilà, c'est le texte de cette séance aussi bien pour ces cours. Et du coup, pour les salles, si quelqu'un a des idées pour nous aider à trouver d'autres salles, après voilà, on est en discussion pour voir si on peut continuer aux Beaux-Arts, parce qu'on y était au deuxième semestre de l'année dernière. Il y a des possibilités à la Générale aussi, mais voilà, c'est encore un peu flou. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'écouter Luisina Boya, qui est une doctorante argentine qui travaille au laboratoire du CINI, qui est un laboratoire de recherche sur le genre en Argentine, à l'Université de La Plata. Elle travaille donc sur le féminisme matérialiste, ou plus précisément, le titre de sa thèse est « Vers une théorie matérialiste du genre, Althusser et le féminisme matérialiste ». On a le plaisir de recevoir Luisina dans le cadre d'un échange qu'on fait au CEDREF, au Centre d'études de documentation de recherche et en études féministes à Paris 7. Et donc, dans quelques semaines, en quelques jours, la suivra sa directrice de thèse qui est philosophe aussi. Ou je ne vous ai pas dit que Luisina est philosophe. Et donc sa directrice qui est Maria Luisa Femenias. Et donc on va l'écouter aujourd'hui et c'est un vrai honneur. Merci Estelle. Et tout d'abord, remercier les organisateurs et organisatrices du séminaire pour m'avoir invitée. Remercier Leila Wittis, c'est comme ça, Leila Wittis, qui va faire quelques commentaires peut-être après, si nous avons le temps. Remercier Estelle, qui m'a beaucoup aidée avec la traduction de ce texte. Et mon français n'est pas très bon, j'espère que vous va comprendre. Et remercier aussi Jules et toutes les gens du CEDREF. Et remercier Joaquin qui m'a beaucoup encouragé avec quelques discussions. Et je vais commencer. Et parler de la relation entre marxisme et féminisme n'est pas simple. On peut aborder ces sujets de différentes manières. Il n'y a pas une unique voie possible pour traiter cette problématique. De fait, depuis l'émergence du marxisme comme projet économique et politique et corrélativement à sa construction théorique, différents féministes sont venus interrompre les discours hégémoniques qui invisibilisaient l'oppression et le travail des femmes. On peut penser à Alexandra Kollontai, à Clara Zetkin, à leur discussion avec Lénine et même avant le marxisme à Flora Tristan qui formulait une critique pionnière de l'idée d'un prolétariat homogène. Depuis la deuxième partie du XXe siècle, beaucoup de penseurs féministes ont repris, chacune à leur façon, cet héritage critique. Je dois vous prévenir qu'aujourd'hui, je vais essayer d'emprunter un chemin qui n'est pas le seul possible, tout en sachant que marxisme et féminisme peuvent se penser de différentes manières. L'objectif n'est pas de reprendre toute l'histoire de cette immense chambre, une tâche qui serait impossible pour moi et au vu du temps en partie aussi. Mais on essayera de montrer quelques problèmes fondamentaux qui structurent une grande partie des discussions autour de la possibilité d'une véritable articulation entre marxisme et féminisme. Pour commencer, j'ai choisi deux auteurs des deux côtés de l'Atlantique dans ce qu'on appelle le Nord géopolitique, qui n'est pas exactement la même chose que le Nord géographique. Il est intéressant de revenir sur elles, car elles ont toutes deux questionné très tôt ce qu'on peut appeler la perspective classique ou canonique du marxisme sur le sexe. Ce questionnement, cependant, est réalisé comme une critique interne, afin de reformuler certains aspects du marxisme, mais en maintenant le même prisme marxiste. Finalement, nous arriverons au féminisme matérialiste, comme la critique la plus élaborée, à mon avis, du marxisme et peut-être à l'alliance la plus prometteuse entre féminisme et marxisme. On peut discuter après. La première partie, je vais parler un peu sur les points de vue d'Engels. Et peut-être que vous déjà connaissez les livres « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». Mais vraiment, je n'en savais pas qui serait là et je ne connais plus... Je ne vous connais plus. Donc, je dois m'excuser s'il y a quelque chose que vous déjà connaissez et c'est trop basique. Vous pouvez aussi m'interrompre et me dire et je vais changer la chose. Donc, je vais parler d'un auteur qui est très connu, sans doute mieux connu par vous que par moi, qui est Simone de Beauvoir. Pourquoi Simone de Beauvoir ? D'un côté, parce que nous pouvons utiliser sa lecture comme une sorte de médiation qui nous permettra de rentrer dans la perspective marxiste orthodoxe sur l'oppression des femmes. Mais aussi, on verra qu'il y a une critique fondamentale dans son œuvre, centrale pour penser les problèmes que nous traitons aujourd'hui. Simone de Beauvoir propose une critique très importante pour la pensée postérieure. Dans la première partie du deuxième sexe, qui est publiée en 1948, intitulé « Destin », un passage sur les points de vue du matérialisme historique met en débat les points de vue marxistes classiques sur ce qui a été appelé la question des femmes. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle choisit un texte très particulier comme représentatif de ces points de vue. Au lieu de s'attaquer à des textes polémiques en ce qui concerne les domaines de rapport de sexe comme l'idéologie allemande ou les manuscrits économico-philosophiques, dont on va parler après, de Beauvoir a choisi une autre œuvre, L'origine de la famille et de la propriété privée de l'État, qui est publiée en 1884, de Friedrich Engels. C'est remarquable parce que le livre d'Engels était considéré, et l'est encore, par beaucoup de féministes comme une sorte de rédemption du marxisme classique, constituant un effort considérable pour penser de manière plus profonde les rapports de sexe et l'oppression des femmes. Dans son livre, Engels analyse l'origine de la famille patriarcale. L'hypothèse qu'il propose est que dans les temps anciens et nébuleux des sociétés précapitalistes existait un matriarcat originaire, où la généalogie des groupes désignés sur un mode colonial comme primitif, des clans, se construisait par voie maternelle. Il existait, selon Engels, un pouvoir des femmes fondé sur le fait qu'elles assuraient la descendance et l'appartenance au clan, d'une manière plus tangible, puisque l'on pouvait être sûr de savoir qui était la mère de qui. Engels affirme qu'à un certain moment, un développement des techniques utilisées dans la production a permis de produire un excédent, une première forme de plus-value. Elle émerge avec la domestication et l'élevage des troupeaux, qui faisaient partie des activités des hommes. À un certain moment, les troupeaux sont passés de la propriété communautaire à celle des individus mâles. Ces faits historiques ont bénéficié... Les faits historiques de l'amélioration des techniques ont bénéficié les hommes, qui depuis ce moment sont devenus non seulement propriétaires de leurs moutons, mais aussi maîtres de leurs esclaves, de leurs enfants et de leurs épouses. C'est la première division sociale du travail. En classe et en même temps, selon Engels, c'est le début de la famille patriarcale. Comment l'expliquer ? Dans la perspective engelsienne, les hommes auraient voulu assurer la transmission de leurs nouvelles richesses à leurs descendants légitimes. Pour cela, il fallait confiner les femmes dans ce qu'il a appelé la famille monogamique. D'où sa fameuse phrase, le renversement du droit maternel a été la grande défaite historique du sexe féminin dans tout le monde. Les femmes, détrônées, deviennent serveuses, esclaves de la luxure des hommes, simples outils de reproduction, leurs travaux dévalorisés face au travail productif des hommes. Beaucoup d'anthropologues féministes ont remarqué une confusion dans la pensée d'Engels entre matrilinéarité et matriarcat. Et il faut souligner que la base empirique d'Engels pour soutenir la thèse du droit maternel primitif était Morgan, qui est connu, je crois, et Bachofen, qui avait utilisé des mythes pour soutenir leur hypothèse. Par exemple, les mythes des Amazones pour soutenir l'hypothèse d'une gynécocratie, tu vois. Donc, c'était problématique. Selon les anthropologues féministes, le matriarcat est une construction imaginaire, comme l'a démontré Nicole Claude Mathieu, parfois utilisée comme justification d'une évolution vers des formes de pouvoir masculin comme une fausse inversion du patriarcat. L'apport majeur d'Engels est d'essayer de problématiser la relation entre les sexes, qui était reléguée au domaine de la nature comme un genre d'axiome dans les œuvres précédentes. De fait, Engels offre une historisation des relations d'oppression entre sexes, en visibilisant le rôle fondamental de la famille, non comme donnée naturelle, mais comme produit des relations sociales. Rappelons cependant, très brièvement, ce que le jeune Marx disait sur le sujet. C'est un extrait. La relation immédiate, naturelle et nécessaire de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. La relation de l'homme à la femme est la relation plus naturelle d'être humain à être humain. Fin de l'extrait. Face au procès de décontextualisation de ces propos, nous rappellerons qu'il s'agit de l'une des seules mentions d'un rapport entre sexes dans ce livre de Marx. Et on peut le comprendre, parce que pour lui, ça ne posait pas plus de questions. Pour le dire rapidement, le rapport homme-femme est aliéné comme le travail et il faut donc revenir à son état originel. Comme de nombreux marxistes hétérodoxes, notamment Althusser, mais aussi beaucoup de féministes, dont Alison Jagger, l'ont montré, ce présupposé d'une nature ou essence humaine est non seulement problématique mais contradictoire avec le cadre théorique marxiste-matérialiste lui-même. On remarque que dans l'idéologie allemande, on retrouve une idée similaire, celle d'une division sexuelle naturelle qui aurait précédé la division sociale. Je vais citer. Merci. La première forme de la propriété est la propriété de la tribu. Elle correspond à ces stades rudimentaires de la production où un peuple se nourrit de la chasse et de la pêche, de l'élevage du bétail ou à la rigueur de l'agriculture. À ce stade, la division du travail est encore très peu développée et se borne à une plus grande extension de la division naturelle telle que l'offre la famille. C'est de Marx et Engels de l'idéologie allemande. Et ça continue quelques pages plus tard pour spécifier. Ainsi se développe la division du travail, qui n'était primitivement pas autre chose que la division du travail dans l'acte sexuel. Puis devine la division du travail qui se fait d'elle-même ou par nature, en vertu de dispositions naturelles, vigueur corporelle par exemple, des besoins, des hasards, etc. Dans l'idéologie allemande, comme dans les manuscrits, la division sexuelle du travail est considérée comme une donnée naturelle, plus ou moins au fondement de l'autre division du travail, celle qui est qualifiée de division sociale. Il existerait donc deux divisions du travail, l'une naturelle originaire inscrite dans les sexes et cristallisée dans la famille, l'autre sociale historique puis réversible entre classes. L'origine de la propriété privée, la famille et l'État essaye de complexifier cela, affirmant que l'oppression des sexes et l'oppression des classes apparaissent en même temps et sont liées au même fait historique, la propriété privée. Mais Engels ne problématise pas la division sexuelle du travail elle-même. Il suppose qu'une telle division existait, qu'il y avait une différenciation des rôles productifs et reproductifs sans l'analyser. Dans sa perspective, cette division était égalitaire et bénéficiait même aux femmes. Il y a là un paradoxe. Avons-nous perdu, après la chute produite par la propriété privée, un premier état d'harmonie naturelle entre femmes et hommes? Faudra-t-il adopter un regard mélancolique sur un matriarcat perdu? Dans les années 60, et encore aujourd'hui, les livres d'Engels se trouvaient au centre de la relation entre marxisme et féminisme. Il y a une auteure italienne qui s'appelle Eleonora Forenza qui a beaucoup travaillé sur cette ligne. Beaucoup de militants considéraient que les textes d'Engels constituaient la clé pour armer les mouvements des femmes et pour indiquer le chemin de la libération. Il semblait qu'on pouvait y trouver des outils pour penser l'oppression et l'appropriation des femmes dans une perspective marxiste. Comme l'avait dit Engels, c'est l'émergence de la propriété privée qui avait déterminé le début de l'oppression des femmes, la grande fête du sexe féminin. Corrélativement, ça sera la destruction de la propriété privée, ce qui viendrait libérer les femmes. Nous revenons ici à Simone de Beauvoir. En choisissant Engels comme interlocuteur polémique, elle montre l'existence d'un problème, là où apparemment il n'y avait rien, ou rien que des réponses. Mais l'argumentation qu'elle offre pose de nouvelles questions. De Beauvoir accuse Engels d'une réduction économique ou économiciste et affirme que, je cite, on ne peut pas déduire l'oppression des femmes de la propriété privée. Évidemment, cette oppression est plus ancienne, l'oppression des femmes. Elle préexiste au mode de production capitaliste et aussi à la propriété privée. Les travaux d'anthropologues féministes ont montré que dans les sociétés sans propriété privée, on ne veut pas dire pré-capitalisme, mais bon, comme beaucoup des sociétés d'Avia Yala, que c'est le nom originaire d'Amérique du Sud, et dans Avia Yala, il n'y avait pas de propriété privée, mais il y avait bien ce que Rita Segato, qui est une anthropologue argentine et brésilienne, appelle le patriarcat de basse intensité, ou selon Lorena Cabanal, qui est un féministe communautaire, le patriarcat ancestral. L'explication d'Engels est donc insuffisante. Si Simone de Beauvoir souligne un manque dans la pensée engelsienne, son argumentation est très différente de celle des anthropologues. Elle nous dit que Engels a essayé de réduire les conflits de sexe à un conflit de classe. C'est un extrait de Simone de Beauvoir. Et qu'elle trouve impossible. Pourquoi ? De Beauvoir nous dit que le prolétariat souhaite la suppression de la bourgeoisie, que peut-être les personnes racisées souhaitent la suppression des blancs, mais que les femmes, elles ne pourraient jamais vouloir la suppression des hommes. On va problématiser ça après. La réponse de Beauvoir est sur ce point fortement influencée par la lecture française de Hegel. Et pardon pour parler des choses que peut-être vous connaissez mieux que moi. Elle croit qu'il existe un substrat ontologique et que c'est pour cela qu'il existe une domination des sexes. Qu'est-ce que c'est un tel substrat ? Vous comprenez substrat ? C'est un concept qui fonctionne d'une manière identique à celle de la volonté de pouvoir, si on peut l'exprimer en termes nietzschéens. De Nietzsche. Beauvoir évoque les ombres de la scène hegelienne des autoconsciences opposées dans une lutte par la reconnaissance, et elle en tire que la relation entre hommes et femmes prend la forme d'une lutte de ce type. Donc, le sexe ne sera pas seulement une question économique, parce qu'il y aura aussi une base existentielle, le substrat ontologique. Maintenant, nous arrivons à un point où les questions se multiplient et les réponses se font rares. Comment changer un tel substrat ? Comment penser l'ontologie en absence de la politique et de l'histoire ? À notre avis, Beauvoir part de vue le plus important de l'explication engelsienne, l'historisation, parce qu'elle retourne à une perspective des ontologies et substrats, comme on voit dans la racine du mot, elle revient vers une explication substantialiste. C'était beaucoup aussi questionné par Judith Butler, qu'il a parlé de ça. En questionnant l'explication engelsienne, elle questionne aussi la solution. Pour Engels, c'est l'émergence de la propriété privée qui a déterminé le début de l'oppression des femmes. Corrélativement, c'est la destruction de la propriété privée qui va libérer les femmes. Beauvoir montre qu'un changement seulement économique n'est pas nécessairement un changement dans les rapports des sexes, ce qui avait déjà montré en leur propre temps, dans des conjonctures très différentes, Alexandra Kollontai et Flora Tristan, en parlant respectivement de la Révolution russe et de la Révolution française de 1789. C'est très difficile pour moi de dire les chiffres en français, pardon. Cependant, cette idée engelsienne préside encore beaucoup d'approches féministes marxistes. Il faut détruire le capitalisme, bien sûr, mais cela ne suffit pas. On va examiner maintenant une autre auteur qui est fondamental aussi pour les champs de relations entre marxisme et féminisme. Dans les années 1978-1978, Heidi Hartmann... 1978. C'est bizarre parce qu'en espagnol nous avons les 70, tu sais. Et ici c'est 70 et 80, et pour moi c'est complètement folle, ça. Je ne comprends pas pourquoi. Pardon. Mais c'est magnifique, mais je ne comprends pas. Dans les années 1978, Heidi Hartmann publie un article pionnier sur la New Left Review avec un titre très suggestif. The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism Towards a More Progressive Union. Comment c'était le nom en français ? Le mariage malheureux du marxisme et du féminisme. Vers une union un peu plus progressive, peut-être. Merci. je pense qu'elle est la première à formuler de manière systématique l'idée du double système d'oppression, solidaire avec deux niveaux de même importance, patriarcat et capitalisme. La pensée marxiste, nous dit-elle, offre une analyse qui privilège la contradiction des classes. Le féminisme radical, elle écrit dans les milieux anglophones, c'est pour ça qu'elle se débat avec le féminisme radical, parle bien de l'existence d'un système patriarcal, mais oublie le capitalisme. Comment penser ensemble ces deux systèmes solidaires? Hartmann nous rappelle que Marx a proposé une théorie des places vides, des empty places, en anglais. Pour Marx, les structures restent anonymes. Il ne dit pas, les structures, qui va occuper quelle place dans la division du travail. Selon Hartmann, le marxisme ne permet pas de comprendre pourquoi certains travaux, l'élevage des enfants, la préparation des aliments, les travaux de soins des membres des groupes âgés ou malades ou en situation de handicap, et on peut énoncer beaucoup plus de travail, qui sont occupés majoritairement par des personnes appelées femmes et d'autres qui sont réalisées par des personnes appelées hommes. Les structures est-elle vraiment si anonyme? On peut voir que Hartmann met en évidence l'existence de la division sexuelle du travail comme un point aveugle de la pensée marxiste classique, mais sans l'approfondir. Le marxisme orthodoxe se focalise sur la division qu'on appelle très significativement sociale, en opposition à d'autres divisions de travail considérées comme non sociales, c'est-à-dire, comme nous avons déjà vu, naturelles ou mieux, naturalisées. Dès lors, comment penser la division sexuelle du travail d'un point de vue marxiste? Est-ce que seulement possible? Peut-on retourner quelques idées de Marx et Engels contre eux-mêmes? Nous arrivons maintenant au féminisme matérialiste. Le féminisme matérialiste adopte quelques catégories générales du matérialisme historique, comme les modes de production, les rapports sociaux, la conception dialectique et l'idée de contradiction. Ici, on trouve des différences. Selon Christine Delphi, le féminisme matérialiste utilise la méthode proposée par le marxisme, mais en changeant l'application. Vous comprenez? Oui, oui, bien. En changeant? C'est un autre mot très difficile pour moi. C'est pour ça que la courante se nomme lui-même matérialiste, pour faire une différenciation avec le marxisme et le féminisme marxiste. Elle propose d'utiliser les outils que Marx a appliqués à l'étude du capitalisme anglais et au mal de la classe ouvrière, des hommes de la classe ouvrière, pour penser la double invisibilisation des femmes dans la théorie marxiste. La double invisibilisation du travail des femmes ouvrières et surtout du travail non salarié des femmes. C'est ainsi qu'elle propose le concept de mode de production domestique comme un mode de production qui existe lié aux autres modes comme le capitaliste et qui est basé sur l'appropriation du travail des femmes à travers l'institution matrimoniale. Cette réponse nous amène à poser différentes questions. Est-ce que seulement à travers les mariages que se développe le mode de production domestique? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes non mariées, comme nous avons bien pensé, bien débattu? Est-il possible de changer seulement l'application de la méthode sans changer la méthode? Ou doit-on aussi reformuler les catégories qui ont été pensées pour éclairer des situations très diverses? Inverser l'application, c'est changer évidemment la direction de l'analyse. Mais le terrain général, les présuppositions basiques et la problématique, c'est qu'Althusser a montré, dans un autre cas, en rejetant la fameuse thèse de l'inversion de Hegel pour Marx, restent intactes. À ce que je sais, Colette Guillaumin n'a pas parlé explicitement de cette question. Mais on peut après nous débattre. On peut voir cependant que son travail entraîne une profonde reformulation des catégories marxistes de Colette Guillaumin, pas seulement un changement d'application, comme je crois que peut-être parfois Delphi, oui, c'est seulement un changement d'application. Elle-même a dit ça. Guillaumin a théorisé les rapports sociaux des sexes en proposant le concept fondamental d'appropriation. Ainsi, comme il existe rapports sociaux de classe basé sur l'exploitation de la force de travail dans le travail salarié sous le mode de production capitaliste, il existe aussi rapports sociaux de sexe, basé non sur l'exploitation, sino sur l'appropriation des femmes, comme c'est un concept de Guillaumin, corps machine de travail. Guillaumin fait une différence entre certains corps qui ont dissocié leur corps de leur force de travail. Et les corps qui n'ont pas réussi à le faire, les corps féminisés, dont les corps tout entiers et appropriés, l'ensemble du corps. Ce sont deux rapports sociaux différents qu'il faut distinguer. Le fait que les corps soient appropriés dans sa totalité rapproche l'appropriation des femmes à des formes d'esclavage et de servage. C'est pour ça que Guillaumin a appelé cette relation, ce rapport social, le sexage. Le sexage inclut différentes formes d'appropriation des femmes, du corps, des produits du corps, du temps, ce qui implique aussi le confinement dans l'espace. À différence des perspectives féministes marxistes, comme par exemple Dalla Costa, James, Federici, on ne parle pas ici de production et reproduction. Les travaux que font les femmes ne sont pas du tout reproductifs, mais cela n'est pas visible si on utilise le prisme marxiste, qui construit des catégories séparées, et comme disait Spinoza sur la substance cartésienne, on ne peut pas complètement rejoindre ce qu'on a précédemment séparé. Delphi, par exemple, a montré que le fait que certains travaux ne soient pas salariés ne se doit pas à leur spécificité même pas à leur caractère intrinsique, mais au fait qu'ils sont réalisés dans le cadre de l'institution matrimoniale qui donne aux époux mâles le pouvoir et l'emprunt sur les travaux de ces femmes. Ce que le marxisme nomme reproductif, le marxisme orthodoxe, bien entendu, par opposition à productif, sans y voir la propre logique et seulement ajoutant l'opérateur ré, comme a montré Shulamit Firestone, c'est de cette perspective l'objet privilégié de l'analyse, dans une logique qui est fortement liée au capitalisme et son système dit productif, mais qui nous permet de visibiliser des autres rapports sociaux qui coexistent avec lui. Si l'on se souvient, nous avons commencé en parlant de Beauvoir et leur idée selon laquelle les femmes ne pouvaient pas constituer une classe sociale. Bien, c'est précisément l'idée du féminisme matérialiste. Les femmes constituent une classe de sexe, la classe des appropriés, et les hommes constituent une autre classe, celle des appropriateurs. Et en tant que classe, donc, le but n'est pas éliminer les hommes, comme le disait Beauvoir, en tant qu'être individuel, ou quizás algunos, si, mais en tant que classe. C'est un rapport socio-spécifique, l'appropriation, où les femmes ont aussi une relation spécifique avec les moyens de production. On voit. Donc, femmes et hommes ne sont pas des termes biologiques. C'est seulement pour nommer un rapport socio-spécifique en relation avec les moyens de production, une position dans les structures de travail, une position dans cette division qui est nommée division sexuelle du travail. Quelques interrogations. Nous avons vu que le féminisme matérialiste francophone part de la division sexuelle du travail comme un fait strictement social, en lieu de les prendre comme une donnée naturelle ou biologique. Ce qui est indispensable est de mettre en évidence l'absolue non-naturalité de la division sexuelle du travail et des sexes qu'elle construit. Dans cette perspective, il existe donc une division de travail qui construit des corps et des individus pour faire certains travaux ou pour ne les faire pas. Le sexe fait partie donc d'un système où les travaux, les corps, les produits du corps et les temps des femmes sont appropriés de manière individuelle et collective. Ce n'est pas seulement, c'est pour ça que c'est un rapport social. Ce n'est pas seulement l'appropriation de chaque femme à travers les contrats de mariage, c'est aussi une appropriation collective. Dans ce sillage, Paula Tabet a montré aussi dans quelle mesure les différences dans l'accès aux outils et aux instruments de production peuvent conformer des corps et des classes. Et bien que très peu connu, c'était déjà aux années 70 que Nicole-Claude Mathieu parlait de l'anatomie politique et le sexe social en questionnant le système sexe-genre où le sexe est à la nature ce que le genre est à la culture. Donc Judith Butler, dans les années 90, elle a aussi fait un questionnement de la distinction sexe-genre. Mais on peut voir que dans les travaux, par exemple, de Nicole-Claude Mathieu, déjà dans les années 70, elle a questionné Gail Rubin, qu'elle a traduit aussi en français. Gail Rubin. Ouais. Peut-être. Ouais. Donc, le féminisme matérialiste est francophone, parce que c'est, je n'ai pas... Non. Il y a un I ou un Y. C'est con, oui, con Y et une A après. Gail. C'est comme ça. Merci. Et je n'ai pas spécifié, mais quand on dit féminisme matérialiste, et on dit ici féminisme matérialiste francophone, pas féminisme matérialiste, parce que par exemple, Haraway, Donna Haraway, elle se nomme à elle-même féminisme matérialiste, mais c'est un autre courant, une autre courant. Donc, le féminisme matérialiste francophone, parmi elles, Nicole Claude-Mathieu, non, Paula Tabet, Christine Delphi, Colette Guillaumin, surtout. Nous propose alors une autre cartographie matérialiste et féministe qui part de la division sexuelle du travail comme un fait social qui produit des champs sexués. Pourtant, il reste quelques questions. La première, une remarque sur les limites et possibilités de la catégorie de classe. Est-ce qu'on peut parler de classe d'une manière très générale, la classe des femmes, où nous serions proches d'une conception universaliste, peut-être. En faisant ça, nous resterons peut-être aveugles aux particularités de chaque situation. Est-ce que c'est la même classe de femmes, celle qu'on trouve en Argentine, à Buenos Aires, celle qui habite dans les Villa Miseria, les bidonvilles, des banlieues de Buenos Aires, et celle qu'on trouve au nord du pays, à la Quebrada de Humahuaca, dans la frontière avec la Bolivie? C'est intéressant dans ce point de reprendre les critiques que certains théoriques et théoriciens décoloniales et postcoloniales ont fait à la catégorie de classe. Le sociologue péruvien Aníbal Quijano, par exemple, rappelle l'étymologie positiviste de ces catégories qui vient de la taxonomie naturaliste de Linneo. Quijano montre comment la classe a obturé la compréhension des autres rapports sociaux constitutifs de la modernité-colonialité du pouvoir. Mais Quijano pense plus à la race qu'au sexe, bien entendu. Et son position pose des autres questions. À mon avis, le féminisme matérialiste a essayé de problématiser cet universalisme de la classe à travers un questionnement profond de positions fixes et solides. L'appropriation des femmes comme classe de sexe devient plus complexe dans la mesure qu'elle s'imbrique avec des autres formes d'oppression. L'expression appartient à Jules Falquet, qui est aujourd'hui peut-être aussi l'héritière, je ne sais pas comment dire. L'héritière. De toute la couronne. Et Leila aussi. Le féminisme matérialiste a essayé de problématiser cet universalisme en portant l'expression d'imbrication des rapports sociaux. Si? L'expression, c'est de Falquet, de Jules Falquet, pour rappeler les intertwined de Combahee River Collective. Que c'était une déclaration qu'ont fait des femmes racisées noires aux États-Unis, où ils parlaient de l'imbrication entre les différents rapports sociaux, la racialisation, la prolétarisation, la sexualisation, etc. Donc, le sexe n'existe pas nu, desnudo, il est toujours imbriqué avec une classe sociale, un privilège ou non de ce qu'on appelle la race, une position dans la relation géopolitique que c'est très important, nord ou sud global. Je dis global parce que Australie, par exemple, c'est dans le sud, mais elle n'est pas dans le sud global, tu vois, l'Australie. Donc, le sexe, il est toujours imbriqué avec aussi une position dans la relation géopolitique. Un âge déterminé aussi, nous avons aussi des classes sociaux d'âge, parce que l'âge ce n'est pas une chose aussi, même pas naturelle. Une certaine perception des gens et un privilège cis ou non, je ne sais pas si on dit cis ici en France, et on prononce comme ça aussi. Oui. De toute manière, ce n'est pas facile de comprendre comment ces différentes positions s'imbriquent. Il y a un théoricien bolivien qui est très intéressant, même quand elle n'a pas été traduite en français, je crois, qui s'appelle Sylvia Rivera Cusicanqui. Elle ne parle pas d'imbrication. Jules Falquet parle d'imbrication pour ne pas parler d'intersectionnalité, qui est le concept qui s'est plus imposé, tu vois. Inclusive, jusqu'à la ONU, les Nations Unies, on a adopté aussi le terme d'intersectionnalité. Donc, Jules Falquet préfère de parler d'imbrication parce que l'imbrication réfère tout le temps aux rapports sociaux et structurels. Ay, merci. Gracias. Mais Sylvia Rivera Cusicanqui Pardon, je t'ai fait le, sí. T'as fait le travail. Non, para nada. Es que me, no me equivoqué. Non, c'est parfait. Sylvia Rivera Cusicanqui, elle est une théoricienne bolivienne qui est très intéressante. Elle a proposé un autre concept, que ce n'est pas l'imbrication, pas l'intersectionnalité, que c'est le concept de Tchéhe, mais qui réfère dans une autre chose. Je vais l'écrire maintenant. Mais c'est difficile aussi pour moi de le prononcer parce que c'est un mot aymara. Aymara. Vous savez qu'est-ce que c'est aymara? Non. Non. C'est une langue... Oui, c'est une langue et une communauté qui habitait dans ce qui est aujourd'hui la Bolivie, le nord de l'Argentine, le sud du Pérou, et qui après c'était comme dans une lutte avec l'Empire Inca. Si vous connaissez Inca. L'Inca, c'était Quechua. Et l'Aymara, on voit? Sí. Quechua. Aymara, c'était l'autre communauté qui habitait près des Incas, et c'était très difficile pour les Incas de soumettre les Aymaras, parce que c'était très fort la culture, et aussi l'Empire Inca, finalement, a décidé d'adopter toute la cosmogonie. La cosmogonie et les divinités aymara pour faire une sorte de pacte, de traité. Mais bon, l'aymara, elle se parle encore en Bolivie, au nord d'Argentine, et le quechua aussi, parce que c'est une langue, comme tu avais bien dit aussi. Et l'aymara que utilise Sylvia Cusicanqui, c'est tchéhe, qui s'écrit comme ça. Tchéhe. Et le tchéhe, c'est aussi pour nommer, c'est pas explicite, c'est pas vraiment la même chose que l'imbrication, parce que l'imbrication nous parle de différents rapports sociaux qui sont toujours imbriqués, qui sont toujours liés. Mais tchéhe, c'est l'idée de la coexistence des opposés. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a un existant, par exemple, dans c'est un concept qui vient de l'aymara, parce que l'aymara n'a pas le concept du tiers exclu, c'est le tiers inclus. Il y a une opposition qui peut coexister dans la même chose. Par exemple, les pierres ou les animaux, toutes choses. Donc, tchéhe, elle l'utilise pour parler, par exemple, de la situation d'être mestiza, d'être métisse, on peut dire comme ça, d'être aymara et d'être aussi avec quelques parties de ascendance européenne. Et c'est très intéressant parce que le contraire de tchéhe se prononce presque, c'est presque la même chose avec double, je sais pas, non. C'est comme ça. On voit, c'est presque la même chose. Mais tchéhe, c'est l'idée de qu'il y a une coexistence des opposés, mais qui ne se mélange pas. Donc ce n'est pas le métissage comme projet politique de ces livres, c'est un concept aymara très important. Au contraire, tout au contraire, tchéhe, que c'est comme une aspiration, il y a un anthropologue qui peut prononcer ça, mais je ne peux pas. Pardon, c'est ma propre colonisation parce que je ne connais pas l'aymara, j'ai appris quelque chose, mais je ne peux pas le parler très bien. La même chose avec les Français. Et le tchéhe, le deuxième tchéhe, c'est l'idée d'infusion complète, d'une part de substance, on dit en aymara, de vitalité. Donc je trouve que c'est très intéressant, pas seulement de penser en termes d'imbrication, d'intersectionnalité, mais bien aussi de revenir sur les propres formulations qui sont faites depuis Avia Yala. On voit? On peut parler après sur ça. Donc. Et le féminisme matérialiste donc, a essayé de problématiser l'universalisme de la classe et des formulations comme ça aussi, en parlant de la position difficile d'être dans un pays colonisé, par exemple, dans les mi entre des cultures différentes, comme le Waman Poma de Ayala et autres. Donc, il y a une autre question que je voudrais poser. Est-ce que les femmes pouvons constituer une classe transnationale? C'est problématique aussi pour moi, mais je crois qu'on peut parler aussi après. Je crois qu'aujourd'hui, la lutte contre les différentes formes d'appropriation du travail peut constituer un lieu de rencontre pour les femmes. Comme l'a dit Silvia Federici à propos de certains débats féministes post-structuralistes qui proposent l'abandon de la catégorie des femmes, et je vais dire une chose que je vais citer de Silvia Federici. S'il est vrai qu'avec la société capitaliste, la féminité s'est constituée comme fonction dissimulant la production de la force de travail sous couvert d'une fatalité biologique, alors l'histoire des femmes est histoire de classe. Et la question à se poser est de savoir si la division sexuelle du travail qui a produit ce concept particulier de féminité a été transcendée. Fin de l'extrait. Si la division sexuelle du travail n'a pas été dépassée, c'est qu'on trouve quand on voit le travail reproductif, et si nous sommes femmes dans la mesure que nous occupons certaines positions dans cette division, il semble que nous avons encore des raisons pour dire femmes, et en même temps nous devons problématiser cette catégorie qui n'est pas du tout homogène. Par exemple, Maria Lugones, qui est une féministe décoloniale, elle a problématisé la catégorie des femmes en disant que les femmes c'est une construction produite par la colonialité du savoir et du pouvoir pendant la modernité, et qu'avant 1492, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des autres rapports sociaux, mais pas un rapport socio-sexuel. C'est très problématique parce que nous avons des travaux d'anthropologues féministes comme Rita Segato, que j'avais nommé il y a quelques minutes, qui montre qu'en Abya Yala, il y avait une organisation sexuelle du travail, il y avait une sorte, j'avais parlé de patriarcat, de basse intensité, mais c'est pour vous raconter qu'il y a aussi des théoriciens qui postulent, qui proposent qu'en Abya Yala, il n'y avait pas de femmes, et que les femmes, c'est en construction de la modernité colonialité du savoir et du pouvoir. La même chose qu'Aníbal Quijano avait proposé pour la race, pour Aníbal Quijano, je ne sais pas si vous le connaissez, vous le connaissez. Aníbal Quijano, le sociologue, il a dit que la race, elle émerge avec l'invasion, je veux dire, pas la conquête, c'est l'invasion de Abya Yala. Mais bon, autre question. Quand Federici dit que l'histoire des femmes est histoire de classe, de quelle classe est-ce qu'elle parle dans l'extrait que j'avais lu? Bien entendu, ce n'est pas dans le même sens que le féminisme matérialiste a forgé, c'est dit classe de sexe, sinon de la classe ouvrière. Mais on peut voir qu'ici nous trouvons une articulation non essentialiste pour la lutte des femmes, de toute manière. Une deuxième question que je voudrais poser, c'est quelle place ont les corps et les identités dans le féminisme matérialiste? À notre avis, il existe une certaine tendance dans le féminisme matérialiste à soutenir une distinction entre un domaine appelé matériel et un autre domaine dit idéologique ou idéal. Cette tendance est plus forte dans certains auteurs autant qu'il s'efface dans d'autres auteurs. Par exemple, Colette Guillaumin, elle parle des faces d'un même monnaie, l'appropriation matérielle d'un côté et ce qu'on appelle le discours de la nature de l'autre, c'est-à-dire la construction d'une idéologie qui naturalise les membres des groupes de femmes en leur présentant comme des objets naturels de ce que l'on peut s'approprier, ainsi comme la construction moderne d'une idée de nature était fonctionnelle à l'extractivisme des ressources naturelles. On trouve dans la pensée de Colette Guillaumin une réflexion sur la construction idéologique et les marques corporelles somatiques, tant de sexe comme de race, lesquelles se développent en même temps que la relation matérielle d'appropriation. Ainsi, elle ouvre le chemin pour penser les formes de construction de la sexualité et de l'identité sexuée ou de genre conforme concourant à l'appropriation des femmes, qui doivent être pensées aussi dans leur caractère matériel. Ce parcours, je trouve, qui a été un peu laissé de côté par les théorisations actuelles dans le féminisme matérialiste, de réussir à voir les côtés matériels et la matérialité des identités et des choses dites idéologiques, mais qui sont matérielles aussi, pour moi. Et si on peut approfondir un peu plus, on y voit cependant que dans Colette Guillaumin, il subsiste une distinction, ce que j'avais dit, entre matérialité d'un côté et idéologie des idées, des notions, des discours de l'autre, qui est peut-être un spectre du marxisme orthodoxe auquel le féminisme matérialiste n'a pas réussi de conjurer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des analyses féministes matérialistes dans le domaine de l'idéologie, parce que l'économie et le travail n'existent plus sans les individus idéologiques, pour le dire dans le vocabulaire marxien, les individus qui sont les Träger, qui est le mot allemand Träger, qui supportent les fonctions économiques du travail. C'est pour ça, peut-être, qu'il faut continuer la discussion et, comme l'ont proposé beaucoup d'auteurs féministes, décoloniser la théorie féministe, repenser les sous-textes positivistes, implicite dans cette distinction entre le matériel et une chose qui serait idéale, que la modernité colonialité a laissé cacher. Problématiser ce qu'on considère matériel et ce que non, pour comprendre que la matérialité est aussi dans les corps, dans les gestes, dans l'auto-perception de soi-même comme être sexuel. Je crois que pour vraiment comprendre les mécanismes de la division sexuelle du travail, on doit dépasser la distinction marxiste traditionnelle entre structure et idéologie, leur pensée en se aller en retour, avec une détermination économique dans la dernière instance, mais penser aussi l'autonomie relative de l'idéologie et la matérialité. Ou penser avec Cole Guillaumin, penser l'idéologie et l'économie comme des manifestations d'un rapport socio-économique. Il faut étendre ce qu'on considère matériel, le reformuler à mon avis, et à partir de là, trouver ou inventer les formes de résistance et transformation. La dernière, je vais finir, c'est la troisième question que je voudrais poser. Comment penser la relation entre la théorie et la pratique? Il y a une chose que je trouve très intéressante, que c'est penser le féminisme comme une épistémologie de la colère, du côté théorique. Les féministes matérialistes ont produit une pensée qui n'est pas seulement individuelle, mais collective. Et c'est vraiment, je trouve, collectif. C'est pour ça qu'on parle du féminisme matérialiste francophone et pas de Christine Delphi, de Colette Guillaumin. C'est très intéressant, le fait qu'il soit une pensée collective. Nous trouvons là une vraie rupture avec les formes imposées par la colonisation du savoir-pouvoir. Elles n'ont pas même plus écrit grand traité, vous comprenez, grand traité comme des grands livres et de dissertations, sinon des textes comme interventions concrètes et situées. Vous comprenez? Et les livres que nous pouvons acheter aujourd'hui, dits féministes et matérialistes, sont surtout des compilations d'écrits, mais ce n'est pas des grands traités sur les relations de sexe, ce sont des interventions. Elles sont toutes militantes. Donc, bien qu'elles ont fait ça depuis les centres du savoir des universités, elles ont fait une critique sur sa propre position en visibilisant aussi les contradictions entre être féministe et être intellectuel féministe. Delphi, Christine Delphi, entre elles, s'est posé explicitement la question à propos de ces sujets. Elle a dénoncé que le féminisme peut ou pouvait, comme tout objet d'étude, devenir une pièce d'exposition dans les vitrines des universités et se séparer de la lutte des femmes. Et on doit dire des femmes noires, des femmes colonisées, des lesbiennes, des travestis aussi pour moi. Elle fait une critique de l'absorption du marxisme dans l'Académie française, Christine Delphi. L'Académie parle une langue marxiste ou marxienne, aussi cryptique, vous comprenez cryptique, qui devient incompréhensible pour les sujets de la théorie, les gens qu'elle dit défendre ou représenter, chose que Gayatri Spivak a bien aussi remarqué. C'est pour ça, comme nous dit Christine Delphi, que ce que l'Académie marxiste produit, c'est seulement compréhensible pour les collègues, y compris les ennemis, les non-marxistes, les collègues non-marxistes. Si le féminisme prétend établir une lutte depuis l'université, mais pas seulement de l'université, mais aussi depuis l'université ou des centres de savoir, nous dit Delphi, il doit dénoncer la double mystification du discours érudit, comme légitimation de l'idéologie dominante et du mythe de la science avec une grande S, la science pure, neutre, la théorie qui rejette les politiques. À notre faveur, l'identification est plus claire. Nous sommes des membres de la classe des femmes qui réfléchissent à notre condition. Nous sommes paradoxalement les sujets et les objets parce que devenir un objet dans la théorie était conséquence nécessaire de devenir un sujet dans l'histoire, comme disait Colette Guillaumin. Le féminisme matérialiste nous propose donc une sorte d'antidote, on peut dire, la contre-médecin, une sorte de garantie épistémologique, mais que tout au contraire de ce qu'on attendrait n'est pas neutre, même pas rationnel, et que c'est la colère. proposer la colère comme vigilance épistémologique, mais fonctionnant à l'envers, comme garantie de changement ancrée dans la propre expérience de l'oppression. Il y a un extrait que j'ai besoin que quelqu'un traduit, peut-être. Merci. Donc, c'est Colette Guillaumin qui dit dans son ouvrage « Sexe, race, pratique du pouvoir, idée de nature ». C'est depuis l'espagnol, donc c'était pas exactement comme ça dans le livre, mais ça dit « Du sens commun populaire à la sagesse des barres, de la théorie anthropologique sophistiquée au système juridique, on n'en finit pas de nous faire savoir que nous sommes appropriés. Cela provoque en nous des réactions de colère dans les meilleurs des cas, d'atonie dans la majorité des circonstances. » Merci. Comme personne appropriée, nous essayons de faire la théorie depuis et en direction de la transformation de cette oppression. Et la colère est de notre côté. La colère est pour nous comme une prise de conscience. Je viens d'Argentine où nous sommes tous en colère. L'interminable croissance de la violence patriarcale alliée avec le capitalisme et un renforcement de la droite qui ne cesse pas de nous étonner, comme nous avons eu l'élection il y a quelques jours, et c'était terrible. Les résultats, c'est vraiment étonnant. Avec les, je ne sais pas si vous connaissez les cas de Santiago Maldonado. Si? Ah, peut-être je vais parler après, mais il était tué par l'armée argentine parce qu'il était avec la communauté mapuche. Mais je vais parler après. Pour finir ça et passer au débat. Donc, en Argentine, nous sommes tous en colère, très en colère. Il y a des gens argentins qui peuvent confirmer. Donc, le renforcement de la droite qui ne cesse pas de nous étonner. La quantité de féminicides dans cette année, les travesticides aussi, et l'impunité de l'État. En Argentine, nous avons... une femme est tuée par la violence patriarcale, par les féminicides, je ne sais pas comment dire. On dit féminicide. On dit féminicide, est mort par féminicide chaque 18 heures. Donc c'est un homme. Ce n'est pas seulement un homme, mais c'est aussi un nombre. Donc, la colère des opprimés et des travesticides aussi, qui sont très invisibilisés, mais des femmes travesties, en Argentine, ils sont aussi très vulnérables, très, très, très, très. Et je ne sais pas maintenant les statistiques. Ce n'est pas une question de statistiques, mais c'est bon pour visibiliser peut-être, parce que vous êtes ici en France et la conjoncture, c'est aussi différent. Mais je vais chercher après et vous dire. Et c'est aussi un nombre horrible. Donc, la colère des opprimés, c'est pour ça aussi la furia travesti, qui est en consigne dans les marches en Argentine, qui était forgée par Luana Berkins et Diana Sakajan, qui sont deux représentants du mouvement travesti, qui est aussi féministe en Argentine. Ah oui, je vais écrire. Et les deux, ils sont morts, Diana Sakajan par un travesticide. On dit en Argentine travesticide aussi. Luana Berkins. Il a créé une coopérative pour des femmes qui travesties, qui travaillaient comme prostitutes et qui ne voulaient pas de faire ça. Il a créé une coopérative textile qui est très importante aussi. Il est mort il y a un an, je crois, mais pour des causes naturelles. On ne sait pas qu'il n'y a rien de naturel, mais bon, ce n'est pas un travesticide, je veux dire. Et Diana Mankai Sakajan, qu'il a fait une loi en Argentine qui c'est la loi du couple laboral trans. Je ne sais pas si vous dites comme ça. Diana Mankai Sakajan. Le couple de travail trans ? Le couple de travail trans, exactement. Qui à l'Université de La Plata, qui est d'où je viens, c'est en train de se. Effectivement, incorporer les couples. C'est une loi provinciale. Et elle parle de la furia travesti, c'est la colère travesti aussi, c'est un concept très intéressant et une pratique très intéressante. Donc la colère des opprimés, c'est aussi la furia travesti, consigne dans les marches en Argentine, et la colère des femmes noires de Audre Lorde qui a écrit aussi sur ça. Cri, grito, politique et aussi théorique. La colère nous montre les lieux où l'épistémologie et la politique s'effondrent. Et ceci est une autre piège métaphorique parce qu'elle n'existe pas de façon séparée. Le niveau où la théorie devient colérique et la colère devient la garantie des transformations. Contre les scissions traditionnelles, passion, raison, hégémonisée de Platon à notre jour, nous préférons donc une épistémologie de la colère qui montre son intérêt et son désir, qui décolonise aussi notre pratique et savoir, toujours trop politique, peu objectif, etc. Mais ça sera le commencement de notre chemin, donc je vous céderai la parole pour commencer la discussion. Merci. Leïla. On va peut-être commencer par passer la parole à la salle. Parfait. Ce serait quand même. Paul, ça se passe comment? Comment c'est qui prend les questions? Tu ouais. Ça comme vous voulez. Il n'y a pas de, enfin, a pas de règlement. Bah, allez-y. Hein. Dans toute l'analyse que tu as présentée avant, il y avait surtout l'impression, enfin, surtout quand tu faisais le lien entre les classes socio-économiques et les classes, enfin, les potentielles classes de femmes, par la compréhension des oppressions faites aux femmes, notamment par le travail et l'exploitation par le travail. Et on a quand même, par exemple, on a parlé du travail ménager, on a parlé du salarié, etc., des conditions économiques, on a pas beaucoup parlé, quand tu présentais donc, le féminisme matérialiste francophone. Des violences, enfin, de l'appropriation du corps, des violences sexuelles, des viols, enfin, de tout ce qui touche plutôt au corps et à la perception du corps, plus qu'à la vision du travail, du salariat, de l'économie. Je ne sais pas si... Ok, bien sûr, mais je trouve que la violence, et Jules Falquet nous a dit, la violence, pour citer Jules Falquet, a des motivations économiques. C'est que je trouve la violence, dans le sens général de la violence, ce n'est pas seulement l'appropriation du travail, l'appropriation des corps, c'est l'appropriation des corps tout entier, tu vois. Les corps comme machine de force de travail, pas comme force de travail, le corps entier est approprié. Donc, bien sûr que la violence, c'est pour ça que j'ai parlé de féminicide. Ce que je trouve, c'est qu'il y a un liaison entre la division sexuelle du travail et la violence aussi. Tu vois? Je crois que ce que tu poses, la question peut-être sur la sexualité, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de point, je ne vais pas dire aveugle, mais si on voit les classifications traditionnelles, on trouve que le féminisme radical, par exemple, c'est le féminisme qui met dans le centre des débats la sexualité. Et le féminisme marxiste, c'est le féminisme qui met dans le centre des débats le travail. On voit. Mais on peut dissocier comme ça, c'est la question que je crois qu'on doit poser. Peut-être je ne me pas centré sur la question de la violence et des formes de violence. Mais tous les travaux de Colette Guillaumin, par exemple, se sont sur ça. Sur la question de la sexualité, par exemple, ils sont aussi beaucoup travaillés. Et sur les formes de l'appropriation sexuelle, est-ce que les mariages de quels ils ont parlé, les mariages, c'est de l'appropriation sexuelle aussi. Et les viols, ce sont des formes d'appropriation collective aussi. C'est pour ça que j'avais dit que dans Colette Guillaumin, nous avons l'appropriation individuelle des femmes, mais aussi l'appropriation collective. Les viols, c'est un mode de discipliner collectivement toutes les femmes. Non? Et ça, en faisant comme si rien avec la perception de chacun. Nous sommes des femmes pour les systèmes hétéronormatifs, patriarcales, tu vois. Et nous font savoir ça. Donc je trouve que le truc de la violence, c'est les clés, c'est l'écart de toute la question. Mais je trouve qu'on doit aussi penser la violence dans sa dimension économique. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, en Argentine, on parle du crime de travesticide ou de transféminicide, comme on dit en Argentine, commis par transphobie ou travestiphobie. Et qu'est-ce que c'est la phobie? C'est comme la misogynie, non? Qu'est-ce que c'est? Je trouve que les études de Jules Falquet ont bien problématisé ça. Parce que parler de la phobie, c'est problématique. Parce qu'on parle comme d'une personne qui a peur d'une autre. Et ce n'est pas pour ça que nous sommes tués. Ils n'ont pas peur de nous. Ojalá, non? J'espère. Mais ce n'est pas, vraiment, ce n'est pas pour ça. Et il y a un système économique qui se déroule autour de cette violence et de cette stratégie, mais qui n'est pas seulement économique, bien sûr, comme on a essayé de montrer qu'il y a des stratégies aussi, pardon, idéologiques. Mais je ne sais pas si elle est pour ta question. J'ai l'impression qu'il faudrait rajouter, par exemple, on ne va pas tuer des femmes parce qu'on a peur de la femme en tant que telle, mais par son comportement, elle peut remettre en question justement une normativité. Et du coup, quand on la tue, on tue une personne trans parce qu'elle ose remettre en question une structure normative qu'on a socialement qui va, comment on l'a dit, au-delà de l'économie. Exactement. Oui, c'est une dimension, je trouve, une dimension économique qui a imposé l'hétéronorme comme la forme de soutenir cette division sexuelle de travail sous des bases supposées de très naturelles et aussi d'une complémentarité entre les sexes, entre les domaines de travaux propres à chaque sexe, entre les comportements qu'on doit avoir d'une ou d'autre côté, les soutiens des affects, comme nous avons parlé. Mais oui, je trouve que ce n'est pas... quand on dit l'économique, on ne dit pas seulement l'économique parce qu'on n'est pas dans une perspective marxiste orthodoxe. Donc on peut problématiser et dépasser ça et voir que l'économie n'existe sans les sujets qui font de l'économie. Et qui ne sont pas seulement des supporters des fonctions dans une relation qui serait mécanique ou j'étais choisi pour supporter la fonction de mère. Non, c'est vraiment une chose complexe. Mais c'est très intéressant. Et aussi pour penser les débats entre prostitution et travail sexuel, par exemple, le féminisme matérialiste a beaucoup développé, a beaucoup pensé sur ça. Et il n'y a pas une position unique dans le féminisme matérialiste sur cette question, et c'est très intéressant parce que je trouve que nous avons ici dans cette dichotomie, dans cette décision, en Argentine c'est très fort et le débat il est en train de diviser le mouvement de femmes, et je trouve que les dichotomies c'est aussi un outil du patriarcat qu'on doit problématiser et dépasser parce que ça ne marche pas. Merci. Demander que j'ai parlé beaucoup. Je voulais. Non, je vais pas dire merci à chaque fois, on va pas faire les mondanités. Moi j'ai trouvé ça super en fait ce que tu as fait, vraiment. Merci. Je mets ça entre parenthèses, j'imagine que tu t'en rends compte. Je voulais savoir, à ton avis, toi, avec tout ce travail que tu as fait, est-ce que tu peux situer, où est-ce que tu peux situer une pierre de touche, est-ce que tu sais pierre une pierre de touche, oui. De cette division, une pierre de touche pertinente de cette distinction entre ce qui est de l'ordre de l'objectif, du réel, du structurel, et ce qui serait moins légitimé comme violence. Parce que tu as parlé tout à l'heure du fait que il y avait certaines philosophes qui avaient remis en question la distinction trop dichotomique entre structure et infrastructure et structure chez Marx. Et j'entends ça, mais à la fois je pense que en tout cas dans notre langage militant. Il n'y en a pas qu'un, je suis d'accord, mais dans le langage militant, il y a quand même beaucoup ce présupposé qu'il y aurait des choses réelles et puis il y a des choses qui sont inventées. Mm-hmm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, à peu près. Il y a une chose que j'ai... Est-ce que toi, tu as l'impression que il y a parce que tu vois bien que dans tout ce que tu viens de montrer, il y a quand même tellement de débats où il y a par exemple des concepts qui n'existent pas. Par exemple, il y a quand même des personnes qui disent que la femme n'existait pas chez les Aymara, non, ou je sais plus, oui, avant 1492, et d'autres qui disent que... Ah non, pardon, pas l'Aymara, c'est Maria Lugones, je vais les noter. Et en suivant Ocheron que Ochewumi, qui est une théoricienne africaine. Oui, C'est la thèse de Osharonke et Oshewumi sur les sociétés yoruba, qu'il y avait seulement un ordre social en termes d'âge, on va dire, ou de seigneurie. D'âge, en termes d'âge, tu comprends? Les rapports sociaux, selon Osharonke et Oshewumi, qui structuraient la société yoruba, c'était l'âge, les seigneuries, on dit. Mais ce n'était pas, elle nous dit, le rapport de sexe. Mais il y avait bien une division sexuelle aussi. Il y avait anatomo femme, anatomo homme, donc c'est problématique, vraiment. Mais si que tu avais demandé, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a une chose que je vais dire tout de suite, parce que c'est difficile pour moi de parler ici à l'École normale supérieure, parce que j'ai commencé en travaillant à lui Althusser. Et après, j'ai changé les sujets, comme Estelle a dit, c'est dans les titres de ma thèse. Mais c'était très fort pour moi de venir ici, dans les places où il a tué sa femme, Hélène. Donc c'est très fort pour moi. Donc j'ai parlé d'Althusser parfois, parce que j'ai utilisé quelque chose de sa théorie, mais ce n'est pas facile pour moi. Et il y a un rapport très problématique entre la théorie althusserienne et la théorie du genre ou féminisme. Et ils sont beaucoup d'auteurs qui ont repris Althusser, par exemple Butler, ou Teresa de Lauretis, ou Gayatri Spivak elle-même, ou Chela Sandoval, qui a été publiée dans les cahiers de Cédref. Mais c'est problématique. Mais je suis Althusser dans cette idée de que l'idéologie et les superstructures n'existent pas. Les structures n'existent pas sans la superstructure. Mais s'il y a quelques moments historiques où c'est comme ça la question, où on peut dire c'est là où ça a commencé, je ne sais pas. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a une idée occidentale de ce qui est la matière, qui est très différent et qui s'impose comme la seule vision de la matière. Mais c'est pour ça, c'est dans ces lignes que je propose, pas dans sa ligne idéaliste de non. Oui, parce que c'est une question qui divise dans les pratiques. En fait, pardon, il y a quelqu'un qui voulait parler. C'est une question qui divise dans les pratiques militantes aussi. C'est pas juste théorique. Ça, non, quoi, bien sûr. C'est qu'il y a des gens qui vont te dire que, par exemple, ce que toi tu défends, dans les différents courants féministes qu'on a, l'une va dire à l'autre que, en fait, ce que tu défends, c'est pas aussi légitime que ce que nous on défend, donc c'est pas assez fondamental, c'est pas assez général, ça se retrouve pas dans, c'est pas le, bon, voilà. Donc je voulais savoir si, oui, je comprends, toi tu avais réfléchi concrètement à ça, comme une sorte de... Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une pierre de touche pour toi, ou je crois que je n'ai pas réfléchi exactement sur ça. Je crois que, comme tu as dit, ce n'est pas seulement une question théorique, parce qu'il n'y a aucune question qui soit seulement théorique. Et il y a des théories qui reproduisent la domination, l'exploitation et l'appropriation. Il y a des théories qui visent à la transformation. Mais qu'une théorie puisse ne faire rien, c'est un mythe de la science avec majuscule, avec la S grande. C'est la lecture de la thèse 11, de la fameuse thèse de les philosophes seulement ont interprété le monde et c'est impossible. Qui a interprété le monde? Toujours on interprète et on fait une transformation d'une certaine manière. La pensée est en pratique aussi, et toutes les choses. Je ne peux pas réfléchir exactement sur ça, mais c'est intéressant. Ce que je trouve, c'est que pour la lutte des femmes dans toute la complexité et qui représente ou qui vit femmes, qui c'est énorme, je trouve qu'il faut changer une certaine place dans la division de travail, qu'il faut détruire cette division de travail telle comme elle a été établie. Et je trouve que ça, c'est matériel, mais c'est aussi une lutte dans notre domaine qui n'est pas seulement croire que la matérialité et la table, c'est très... Non, bien sûr. Justement, là-dessus, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dans la mesure où, en fait... En situation, les féministes matérialistes, elles ont commencé à élaborer leur concept face à leurs camarades, hommes, marxistes. On est en 68, hein, il y a des débats à l'intérieur de la Ligue, il y a des débats... et on se rend bien compte à ce moment-là que quand la lutte de classe commence à s'intensifier, on n'est pas du tout dans la situation dans laquelle on pourrait imaginer chez... traditionnellement, ah bah voilà, va y avoir la lutte de classe, hein, et puis bah, les filles, suivez-nous. On va abolir les rapports de production et puis on verra plus tard ce qui se passera le lendemain du grand soir. Non, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Plus la lutte de classe s'accroît, plus les rapports entre les genres deviennent tendus et s'intensifient et débouchent sur un affrontement. Est-ce que tu peux justement nous donner des exemples, peut-être, historiques de ce type d'affrontement qui permettent de donner de la chair au concept de Tabet, Guillaumin, Mathieu? Oui, etc. En Argentine, les mouvements piqueteros, par exemple, les mouvements piqueteros, c'est, je crois, un exemple de l'importance de ne pas comprendre les prolétariats comme une chose homogène, il n'y a aucune distinction, c'est la classe ouvrière. Par exemple, les mouvements piqueteros, qui est un mouvement que... Vous connaissez les mouvements piqueteros? Il y a une pensée, vous pouvez après chercher plus d'informations, parce que je ne peux pas parler de tout ça. Piquetero, que c'est avec un O parce que c'est le masculin toujours, non, mais bon. Il y a une pensée argentine qui s'appelle André Andújar. Il travaille à Buenos Aires. Elle a fait beaucoup d'études sur les mouvements piqueteros. Les mouvements piqueteros, c'est fait très connu après les 2000 ans, je crois, mais peut-être ici n'a pas arrivé. Les mouvements piqueteros, c'est un mouvement composé par des gens qui n'étaient pas la classe ouvrière traditionnelle, étaient beaucoup de gens qui étaient au chômage, desempleados, desocupados, on dit en Argentine. En Argentine, nous avons beaucoup de gens au chômage. Et ce n'est pas un chômage payé comme pas du tout. Il n'y a pas de... Vous comprenez ce que je dis? Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est comme ça. Donc, il y avait beaucoup de gens au chômage. Et il y a encore, nous avons aujourd'hui un 10%, je crois que c'est la taxe de chômage en Argentine. Mais c'est un pourcentage un peu faible parce que c'est l'index, c'est aussi l'État qui fait les propres... On ne dit pas comme ça très explicitement, mais bon, c'est l'État. Et je crois qu'il y avait aussi une étude sur la capacité d'acquisition de biens, je ne sais pas si on dit comme ça, qui a montré que les chiffres étaient plus majeurs que 10%. Mais nous, dans certains moments de l'histoire, en Argentine, nous avions 40% de chômage. 40, 4 et 0. C'est incroyable pour un pays, je veux dire. Et dans ce contexte, dans les années 90, avec toute la politique, vous savez peut-être parce que c'est passé comme ça dans des autres pays comme l'Afrique et tout le tiers-monde, avec les politiques de néolibéralisme et de privatisation de toutes les entreprises, au meilleur poster, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Et le chômage a beaucoup augmenté. Et en Argentine a commencé un mouvement qui s'appelait Piqueteros, qui a commencé dans le sud du pays argentin, qui s'appelle la Patagonie, peut-être que vous connaissez la Patagonie, et qui a commencé avec les femmes qui sont opposées elles-mêmes avec leur corps au extractivisme de les entreprises du pétrole, comment dire ? C'est ça, l'extractivisme pétrolier. L'extractivisme pétrolier dans le sud de la région. Ils ont commencé à faire les méthodes qui s'imposaient en Argentine comme mode de lutte sociale, qui est le corte de route, la coupure de la route. Donc quand tu coupes la route, tu interromps la circulation de commodities. Ils ne sont pas vraiment commodities, c'est la matière première en Argentine, mais on interrompt les commerces et les modes capitalistes en coupant la route. Et c'est le mode le plus étendu en Argentine de la proteste. Les femmes, elles sont qui ont fait ça. Elles avaient la plus grande présence, elles ont commencé le mouvement. André Andújar a écrit sur ça, il y a quelques vidéos, je crois. Et on voit là, par exemple, une complexisation. De qui est la classe révolutionnaire? Qui c'était? Ce n'était pas la classe ouvrière parce qu'ils étaient au chômage depuis quantité d'années. Beaucoup de populations aussi racisées, des indigènes, qui comme Sylvia Rivera Cusicanqui, qui était là-bas, mais peut-être vous vous souvenez. Vous vous souvenez? Sylvia Rivera Cusicanqui a montré aussi les problèmes de poser la question de la classe ouvrière dans les pays qui n'ont pas un grand nombre de classes ouvrières, mais il y a une population paysanne, on peut dire ici, je ne sais pas, campesinado, indigène. Donc c'est très fort. Ah, comme je sais que vous savez, je vais revenir, mais comme je sais que vous savez aussi en ciné débat, vous faites des choses comme ça, dans conséquence, je crois, il y a un réalisateur qui est bolivien. Il est marxiste et il visibilise les rapports sociaux des classes sociales et des races plus que des genres, plus que des féminismes. Mais il est très bon et je trouve que c'est peut-être que ça sera intéressant. Il s'appelle Jorge Sanginés. Pardon, je viens vers lui parce que je ne vais pas oublier après, je vais oublier. Jorge Sanginés, il était membre du groupe Ucamau. Les films étaient sur YouTube. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas traduits en français et ils sont en quechua. Ils sont en quechua avec les sous-titres en espagnol. Mais j'ai envie de faire moi-même, peut-être on peut faire la traduction parce que les films, ce sont vraiment géniaux. Et on voit ici la complexe articulation entre rapports sociaux, mais elle fait ça avec l'image, qui je trouve que c'est trop facile, et c'est aussi ce que Sylvia Rivera Cusicanqui nous dit, qu'on doit faire une sociologie de l'image, que la décolonisation, ce n'est pas seulement parler, on doit penser des autres manières pour faire la vraie décolonisation, parce que le langage et la parole, c'était l'outil le plus important de la colonisation, avec l'effacement de toutes les langues. Et le quechua, l'aymara, je ne parle plus les langues originaires, le tehuelche, je ne sais pas, toutes les langues. Et l'espagnol s'imposait comme la langue universelle d'Amérique du Sud. Donc, Jorge Sanginés, je vous recommande beaucoup, il est magnifique, et les films sont sur YouTube. Peut-être on peut penser, c'est en proposition, on peut penser à projet de traduire. Et pour avoir les films. Mais ce que je disais sur les piqueteros, on voit dans les cas des piqueteros comment c'était la complexisation, tellement les dégâts de complexisation de la classe, conformant une classe qui était constituée par gens qui étaient au chômage, des femmes racisées, des femmes dans l'extrême pauvres, et la méthode c'était très effective. C'était bien effectif. Après, on peut nous débattre sur les conséquences après les 2000 ans, que bon, les pays maintenant, ce n'est pas aussi bien, mais... Ou peut-être voir aussi comment, à partir des féministes matérialistes, on peut commencer à penser la question de ce que Falquet appelle la division sexuelle du travail révolutionnaire, qui est quelque chose d'excessivement important. C'est-à-dire comment, quand il y a irruption d'un mouvement social, d'une lutte de classe, à ce moment-là, les femmes sont là. Et le passage à la politique, le passage au moment où la lutte de classe devient idéologique, devient un moment de reproduction de la classe, au sein de la classe, qui est le moment où, évidemment, les gens les plus privilégiés au sein de la classe prennent le pouvoir. Et évidemment, en partie, les hommes prennent le pouvoir à ce moment-là contre les femmes. Et comment le politique devient... Les places des hommes. devient la place des hommes et comment le retour. Hein. Exactement. Enfin bon, vas-y. T'as... Non, que c'est très intéressant aussi parce que on trouve que j'ai dit en référent aux anthropologues féministes comme Rita Segato qu'il n'y avait pas qu'il y avait un patriarcat de basse intensité. Vous comprenez les concepts de basse intensité? Et ça veut dire qu'il y avait une division sexuelle de travail, mais il n'y avait pas une distinction entre les publics et les privés. Et qu'est-ce que je veux dire? Que la distinction moderne, coloniale, entre les domaines du public et les domaines du privé, ça a imposé à Navia Yala après l'invasion. Donc, les femmes avaient une position différentielle dans les travaux, mais elles avaient aussi le pouvoir pour prendre des décisions politiques. Donc je crois que la dépolitisation des femmes, tant comme je l'ai vu à Abya Yala, c'est en conséquence, avec un processus très complexe, mais c'est conséquence de la colonisation aussi, de la rapport entre le patriarcat et la colonisation, tu vois. C'est très notable parce qu'il n'y avait pas, et je trouve qu'il y a aussi une sorte de je ne sais pas, je vais dire inconscient, mais il y a une chose qui est ancestrale, qu'il y a des cas comme les piqueteras dont on voit la force des femmes et la tradition politique qu'il y avait aussi, des discussions des femmes sur des choses. La maison, par exemple. La maison, ce n'était pas l'espace fermé, c'était un espace de discussion, de débat, d'échange, un lien économique aussi. Tu vois? Donc, je crois que la dépolitisation des femmes comme classe, et ce qu'on voit dans les groupes de militants, c'est pénible. Et oui, je trouve que c'est l'une des conséquences de cette colonisation patriarcale. Mais en Argentine, c'est aussi comme ça. Et dans les groupes militants, c'est comme ça. Nous travaillons, nous avons un centre d'extension. Je ne sais pas si vous connaissez l'extension. C'est des programmes, en fait, qui... des programmes qui se passent dans la vie civile, en fait, qui sont pas du tout cantonnés à des partenariats avec d'autres universités ou d'autres espaces considérés comme universitaires. Et donc, par exemple, toi, ton programme d'extension, c'est dans des quartiers populaires? C'est comme les choses... Au début, c'est jamais transférence, que c'était horrible, mais c'était le concept qui donnait le nom. Transférer les connaissances produites dans l'académie, dans l'académie, tu vois? Transférence, bon. Horrible. Après, on a appelé ça extension, que c'est horrible aussi, parce que c'est comme l'idée de que je m'étendrai vers ce qui n'est pas dans les centres, non? Mais oui, et nous, précisément, le sujet qui est le plus demandé, parce que nous travaillons avec des mouvements sociaux et des mouvements territoriaux, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est le problème de la division du travail militante. C'est le problème dans les propres agrupations, de gauche bien sûr, de droite, ne se pose pas la question. Mais oui, c'est sur ça. Et là, oui, je crois qu'il faut faire beaucoup de travail dans ce sens. Il y avait d'autres questions? Il y a quelqu'un qui a levé la main juste avant? On peut noter les noms. Ah pardon, oui, peut-être que je parle comme je peux en français. Je veux dire qu'il y a eu une sorte de pas d'intention, mais un extractivisme de la présence des femmes dans les espaces de la politique, de ce que s'appelait public. Je vais... Non, bien sûr, pardon. Je ne suis pas plus explicite parce que c'est un peu difficile pour moi de... Mais c'est très bien que tu... Non, je ne crois pas du tout que nous sommes dépolitisés. Je crois qu'il y a eu, depuis ce que je dis, ces faits historiques, par exemple, qui a imposé un nouvel ordre, ou un nouveau ordre, je ne sais pas, patriarcal, ils sont séparés de deux domaines différents qu'en Abya Yala, dont il n'y avait pas de différence. Mais par exemple, pour donner, les piqueteras, c'est un exemple, mais en Argentine, aujourd'hui, nous avons un mouvement féministe incroyable. Je ne sais pas s'il y a vraiment, je suis argentine, je suis fière, mais des mouvements de femmes, pas d'Argentine, mais des mouvements de femmes, et qui est très important. Je ne sais pas si vraiment s'il y a un mouvement de femmes aussi fort dans beaucoup de pays. Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui sont très forts, mais l'Argentine est l'une des plus forts dans ce sens. Par exemple, la grève internationale des femmes qui c'était cette année, en Argentine, c'est incroyable. Bien sûr, c'était la grève internationale des femmes qui ont arrêté de faire le travail dit productif. Et les femmes dans la maison, avec les enfants, elles n'ont pas pu... Peut-être on n'a pas voulu, et c'est une faiblesse de la grève internationale. Mais c'était vraiment incroyable en Argentine. Et aussi le mouvement Ni Una Menos, que je ne sais pas si vous connaissez, c'était trop critiqué au début parce qu'il y avait aussi beaucoup de groupes de gauche qui n'avaient pas envie d'aller au Ni Una Menos parce que c'était une chose comme « Non, qui est-ce qui organise cette marche? Je ne veux pas aller. » Et maintenant, tout le monde, vraiment, c'était la démonstration d'un mouvement de masse très fort. Je n'ai pas envie de mentir, mais les numéros de la... Peut-être que je te peux dire... Je vais chercher. Les nombres sont incroyables. C'est mixte aussi. Ils sont de femmes et des hommes, en une menace. Mais c'est incroyable. Et en Argentine aussi, pour nommer un autre exemple, je crois qu'il y a une intention de despolitiser toujours et d'effacer de l'histoire, la généalogie, de quitter et de retirer la parole. Quand j'étais à l'université, je me suis rendu compte tout le temps que j'étais une femme parce que c'était impossible de parler, parce que j'ai fait ça comme ça. Et les professeurs en philosophie, qui est la chose la plus machiste peut-être, qui connaît une philosophe? Anna Arendt et Simone de Beauvoir, qui n'y se disaient. Mais c'est horrible, mais c'est l'histoire que ça construit, parce que ce n'est pas comme ça. Les femmes ont pensé toute l'histoire. Nous avons infinité de femmes. Mais pour nous, ce sont seulement Hannah Arendt et Simone de Beauvoir. Non? Bon, c'est terrible. Et je crois qu'il y a une intention toujours de faire ça, de réduire au silence. Mais en Argentine, on voit que c'est complexe parce que en même temps que la violence augmente, en même temps la résistance des femmes et la lutte augmente aussi, ils vont de la main. Donc il y a une politisation très claire, et en Argentine c'est magnifique. Nous avons aussi une tradition de rencontre nationale des femmes, qui sont des rencontres qui se fait une fois par chaque année dans une certaine ville qui change. Et nous sommes 30 000 femmes dans une ville. Donc c'est comme ça, c'est très fort. Je ne vais pas du tout dire pardon de n'être pas très explicite, mais non, je trouve que le mouvement des femmes, c'est très fort. Et je ne crois pas que ce soit une chose de que, comme les femmes sont organisées maintenant, et les hommes sont très répressifs. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme un phénomène complexe qu'on doit penser. Mais... Parlez-vous, que je sais pas. Ouais, moi je crois qu'il y a un truc que je comprends pas très bien avec le féminisme matérialiste, du coup, parce que le matérialisme historique, j'ai l'impression que ça nous donne, ça nous montre que là, ça dit que le moteur de l'histoire c'est un peu la lutte des classes, et qu'en ce moment c'est la bourgeoisie qui est la classe dominante, et qu'en fait, par son mode de domination, elle produit les conditions objectives et l'acteur politique qui vont permettre son dépassement, parce qu'en fait elle produit une socialisation du travail, c'est le capitalisme, et qu'elle produit un acteur politique, c'est le prolétariat, et que du coup en fait le prolétariat doit se donner comme projet politique de se constituer en classe ouvrière et du coup de renverser le truc. Et je vois pas très bien en fait ce que c'est une classe féminine s'il y a pas un mode de production, mais qu'on parle de corps féminin qui est approprié. Parce qu'en gros, une usine, une chaîne de production, on peut le socialiser, et on peut supprimer la propriété privée des moyens de production. Et je ne crois pas que l'objectif ce soit de socialiser le corps des femmes ou ce genre de truc. Non. En fait, c'est bien. Molo, là. Je comprends toute la question. Les conditions objectives et l'acteur politique. Okay. Et juste un tout petit truc aussi sur la question de quand la lutte devient intense, est-ce que c'est un moment où le... Quand la lutte devient un peu s'intensifie. La lutte de classe s'intensifie. La remarque de ta camarade, c'était de dire qu'on voyait aussi qu'il y avait les tensions entre les hommes et les femmes qui s'intensifiaient. Moi, j'avoue que je n'ai pas vu ça dans mes expériences historiques, mais probablement c'est un manque de ma part. Je pense par exemple à la Russie bolchevique qui a quand même été... qui a quand même conquis des avancées sociales pour les droits des femmes et qui a amélioré la situation des femmes en général. Oui. Je vais écrire pour ne pas oublier parce qu'il sont beaucoup de choses. Arrête. Classe des femmes, l'autre qu'il a dit c'était sur les fichiers et la intensification. Et la intensification. Je vais seulement répondre d'un mot tout général. La première chose que je dirais, c'est que pour le féminisme matérialiste, il n'y a pas une conception linéaire, pas comme qu'il y a un mode de production qui entraîne l'autre, comme ce n'est pas la bourgeoisie qui contient dans son propre germe d'une manière nécessaire le développement de l'histoire. Il y a une critique complète de la conception linéaire et presque mécanique de qu'il y aurait une relation de nécessité entre, dans les mouvements de l'histoire, dans le développement. C'est un critique aussi qu'ont fait très bien les matérialistes décoloniales dans la conception linéaire évolutionniste, on va dire, de présent, dans le marxisme, parce qu'il y a l'idée d'une évolution, comme tu as dit, était la bourgeoisie et après les prolétariats qui étaient déjà contenus dans la contradiction entre... Bon, je vais simplifier, mais un peu comme ça. Je dirais tout d'abord que pour le féminisme matérialiste, ils ont complexifié vraiment tous les concepts, inclus les modes de production. Parce que aussi les problèmes avec les modes de production dans l'œuvre de Marx, l'idée de qu'un mode de production est suivi par un autre mode de production est très, très difficile. Même dans le capital, on voit que le mode de production capitaliste ne détruit pas du tout des autres formes de production qui sont, comme il disait, des résidus, mais bon, c'est complexe. Mais ce qui est très intéressant pour moi dans le féminisme matérialiste, que peut-être je n'ai pas bien exprimé, c'est la coexistence de différents modes de production. Donc, on voit dans ce mouvement qui est théorique un changement très fort. Pour moi, c'était un précurseur. On peut voir qu'il existe, par exemple, les modes de production domestique de Christine Delphi. Après, Claude Meillassou, l'anthropologue qui est français, il a théorisé sur ça aussi, les modes de production. Meillassou, je prononce comme horrible, pardon. Ça se prononce comme ça. Hein. Ah, merci, oui, parfait. Claude Meillassou, il a parlé aussi du mode de production domestique et il a problématisé aussi cette idée de qu'il y a un mode de production qui a en soi-même les charmes de sa propre destruction et qu'après, il vendra un autre mode de production et ainsi jusqu'à la socialisation de la propriété. Non, pour le féminisme matérialiste, on a toujours des articulations. Les modes de production domestique, par exemple, selon le féminisme matérialiste, existent d'une manière pas parallèle, parce que les parallèles ne se touchent pas, d'une manière très solidaire avec tous les modes de production, comme un côté obscur de tous les modes de production. Je trouve que Silvia Federici, dans Caliban et la sorcière, elle a très bien réussi à montrer ça. Et a montré aussi que l'émergence du capitalisme n'était pas, ne se dit pas aux raisons naturelles nécessaires, c'était presque par hasard. Elle a dit que c'était des éléments nombreux qui ont concouru dans un certain moment à produire une situation qui est basée, pour Federici, pour moi aussi, sur l'appropriation des femmes, sur leur confinement dans l'espace domestique, sur la colonisation. Sur l'appropriation de toutes les ressources naturelles de l'Amérique, parce que sans l'Amérique, l'Europe ne serait pas l'Europe, le capitalisme ne serait pas le capitalisme. On peut aller à Potosí aujourd'hui en Bolivie et on voit vraiment en première phase l'extraction des ressources naturelles. Potosí, c'était la ville la plus riche pendant les 17e siècle. Et aujourd'hui, on doit y aller. Je crois que c'est... Et il y a un auteur qui est vraiment magnifique, qui est Eduardo Galeano. Je ne sais pas si vous le connaissez, Galeano. Il a écrit un livre qui est magnifique pour visibiliser la Galeano, qui a problématisé justement et qui a montré le rôle fondamental de toute la région de la Via Yala pour la naissance du capitalisme. Et on doit, avec Federici, on doit dire... et de l'appropriation des corps de femmes dans l'Amérique et dans l'Europe. L'autre chose sur la classe des sexes, ce n'est pas seulement l'appropriation des corps, c'est un rapport spécifique avec les moyens de production. Les femmes, je n'aime pas beaucoup les statistiques, merci. Mais quand on fait les statistiques de la richesse, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ici, on trouve des femmes noires, racisées, des pays, des tiers-monde. Je suis en train de simplifier la cosa. Mais vraiment, on voit qu'il y a un phénomène qui est très, très lié à la croissance du capitalisme, qui est la prolétarisation des femmes racisées. Donc je trouve que pour parler d'une classe de femmes, on ne parle pas seulement d'un rapport. Le rapport, c'est comme l'appropriation, c'est comme l'exploitation, tu vois, c'est l'équivalent, c'est le nom des rapports sociaux et sexage. Mais on parle d'une relation spécifique avec les moyens de production, tu vois, qui est un rapport qui a existé de manière transversale pendant beaucoup d'années, pendant l'histoire, et articulé de différentes manières avec les moyens de production. Quel est l'objectif de... Ce n'est pas de socialiser les corps des femmes, c'est de supprimer l'appropriation des corps des femmes. C'est justement le contraire. L'objectif du prolétariat, quel est? De supprimer la propriété privée, de supprimer l'exploitation, l'exploitation du travail. Et l'objectif pour les femmes matérialistes et pour moi, c'est de supprimer la relation. C'est pour ça que quand Beauvoir dit « Ah, les femmes ne peuvent pas jamais vouloir l'annulation des hommes », ce n'est pas les hommes individuels, c'est en tant que classe, et c'est abolir la relation. Ce n'est pas tous les bourgeois, mais on peut le faire aussi, mais ça ne va pas comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas du tout la socialisation du corps des femmes, parce que justement, c'est l'inverse. L'appropriation est basée sur la socialisation des femmes, tu comprends? C'est pour ça qu'on doit penser cette liaison très, très complexe entre marxisme et les outils théoriques que nous donne le matérialisme historique et comment on pense un autre système qui sont très solidaires, mais qui c'est le patriarcat et dont la logique est un peu différente, je crois. Il y a deux, je ne sais pas qui était le premier. On a terminé comme ça. Ah, pardon, je vais revenir. La dernière, l'intensification de la division, comment era? ¿Qué me había preguntado? Que él no entendía lo que había dicho también. Ah, par exemple, oui, que l'intensification de la prolétarisation aussi était accompagnée par une intensification des conflits entre ces. Par exemple, en Argentine, aujourd'hui, c'est notable, parce que le gouvernement néolibéral que nous avons aujourd'hui, et si vous pouvez attendre et avoir patience avec mon français, parce que c'est difficile pour moi, je vais vous raconter la première mesure du président Macri, qui est comme Macron, nous le sommes, c'est comme les Macri, c'est comme les petits Macron. Bon. La homonymie, c'est... Ça me donne peur, mais les Macri, le président Macri, qu'est-ce qu'il a fait? La première mesure, c'était quitter les taux d'impôt. Couper toutes les taxes. Couper toutes les taxes par les entreprises de la mine à ciel ouvert, qui est la chose la plus mauvaise qu'il y a dans tous les capitalismes, c'est de la minerie ou entre les choses les plus mauvaises. Malheureusement, il y a des autres, mais c'est l'une des choses les plus horribles parce que ça détruit toutes les milliers, tu vois, parce que c'est de la minerie qui se fait à ciel ouvert, c'est terrible. La première mesure fut, et bien sûr, la mine détruit tout l'environnement du pays, et après, qu'est-ce que fait l'entreprise? Et toutes les entrantes, ils s'en vont. Bon. Et Macri a coupé ça, a éliminé les impôts aussi pour les champagnes, a éliminé les impôts. Et les champagnes, je ne sais pas si c'est la même chose, parce que bon, les champagnes sont en France, mais en Argentine, les champagnes, c'est comme la boisson de la bourgeoisie. On ne voit pas champagne, ce n'est pas comme le vin, tu vois. Il a coupé ça, il a coupé aussi les impôts pour les chats. Les yachts, les bateaux de la bourgeoisie, tu vois. Et il a quitté, et c'est fondamental, il a fait la même chose, si. Macron. Total, les yachts, rien d'exact. Bon, si, ce n'est pas par hasard. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi Macri, que c'est terrible, il a éliminé aussi les impôts qu'il donnait. En Argentine, nous avons beaucoup de soya, on dit, et de produits agricoles. Nous sommes encore un pays agro-exportateur, malheureusement. Et donc, il a éliminé complètement les impôts que les entreprises qui sont en Argentine, qui exportent de la sorte, doivent donner une petite quantité de pourcentage pour les pays, tu vois. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, si, très bien. Non. Si, tout va bien. Non, on a compris. Ah, pardon. Donc, Argentine exporte de la soya et des autres produits agricoles, la soya. Et donc, c'est la plus grande ganance du pays, la plus grande income, le plus grand profit. Et Macri a dit, toutes les entreprises, ok, je vais... C'est la bourgeoisie rurale, on va dire, l'oligarchie rurale, qui est vraiment en Argentine très fort. Ils avaient un taux très vaste d'impôts. C'était très peu ce qu'ils devaient laisser pour les pays. Et Macri a dit non, rien du tout. Exporte toute la meilleure partie de la viande, ça va pour l'Europe, tu vois. Donc Macri, il a fait tout ça. Et après cette croissance du gouvernement néoconservateur, on dit néoconservateur, néolibéral, la violence contre les femmes a augmenté aussi exponentiellement. Parce que chaque année en Argentine, le nombre de féminicides ça augmente. Donc on voit qu'il y a une relation entre la croissance du néolibéralisme et du capitalisme et l'appropriation des femmes, tu vois. Et c'est problématique de voir ça. Si? Parce que c'est aussi un complexe de voir les rapports interclasses. Pardon, oui. Les questions, oui. Vous savez, deux questions, hein, il y avait. Alors, moi, ce que tu avais dit sur la violence et l'économie, je trouve ça hyper intéressant. Mais parce qu'en fait, au tout début, on parlait des finances. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est justement cette idée de que la violence est liée à des questions économiques. Parce que les personnes trans, que ce soit des hommes trans ou des femmes trans, doivent produire du genre, tu vois. Oui. Et ils doivent produire le mieux le genre possible. Exactement. Et en fait, je pense notamment aux États-Unis, où en fait, dans certains États des États-Unis, des possibilités de personnes qui peuvent se sortir en fait de violences trans, enfin d'assassinats transphobes, en convoquant le principe de panic defense. C'est-à-dire, en fait, ils vont voir une travailleuse du sexe trans, et s'ils remarquent, en fait, que c'est pas une vraie femme ou quoi, machin, pris de panique, en fait, il peut... C'est comme une excuse pour... Voilà, c'est ça. C'est une excuse législative, notamment au Texas, en Indonésie. Je te remercie beaucoup, parce que je vraiment n'en savais pas, mais c'est le cas le plus extrême, peut-être, les dangers de faire ça. En Argentine, nous avons l'excuse de la transphobie, on dit, ou la travestiphobie, mais c'est d'inscrire la violence dans un registre qui est comme individuel ou de l'ordre de la psychopathie. Tout c'est toujours s'inscrit dans cet ordre. C'est comme... Et c'est terrible. C'est justement... C'est très intéressant ce que tu as apporté. Je n'en savais pas. Et en Argentine, nous avons aussi le mouvement intersex qui est très intéressant et qui a beaucoup théorisé aussi des perspectives économiques aussi, qui s'appelle Mauro Cabral. Il est vraiment... Et ce que tu comptes, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a toujours une chose de... Quand on parle de trans ou de travesti, d'essayer d'inscrire toujours dans un domaine de la psychopathologie, de la psychologie, de qu'il y a quelque chose de psychiatrique, comme ça ne marche pas. Mauro Cabral, il a beaucoup parlé sur ça, il est magnifique. Et je trouve sur la violence économique, qui est très intéressante aussi, sur les femmes dans ce cas, et à Ciudad Juárez, Jules Falquet, elle a travaillé, elle a montré la même argumentation. C'était parce que à Ciudad Juárez, je ne sais pas si vous connaissez, parce que oui, je crois que si, parce que c'est très connu. À Ciudad Juárez, les féminicides, c'était une pratique horriblement étendue. Et beaucoup de féministes ont essayé d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et il y avait des explications de l'arrêt des narcos, etc. Mais aussi de la misogynie, de la hâte aux femmes. La haine des femmes. La haine des femmes. Donc Jules, ce qu'elle a montré, Jules Falquet, que c'est vraiment très bon l'article, c'est montré que les crimes contre les femmes c'est produisé aussi pour reproduire un ordre patriarcal et capitaliste pour les maintenir dans les usines, dans des conditions les pires, parce que dans les usines, les femmes sont qui font le pire travail, et puis qui a travaillé à Laos, qui a travaillé aussi dans ce domaine. Mais oui, c'est comme ça, la violence est économique. Je crois que les discours de la transphobie, de la travestiphobie, de la misogynie, qui sont très internalisés dans la société, sont dangereux. Et on doit être prévenus contre ça. Oui, enfin, merci pour ta réponse sur le terme de classe des femmes. Très intéressant. Ça remet un peu le féminisme en lien avec le marxisme, mais ça a le mérite de mettre un mot, une expression qui est plus pour moi une question qu'une réponse. Et surtout, si l'expression avait été utilisée en 1870, je pense que peut-être les marxistes seraient davantage penchés sur la question féminine. Et après, j'ai une autre question un peu différente, c'est je voulais savoir ce que tu entendais avec le terme décolonial, comment ce terme s'appliquait particulièrement au féminisme, selon de Benès et selon toi. Et enfin, est-ce que le marxiste, est-ce que c'est une doctrine décoloniale? C'est parfait la question. Je n'ai pas compris la première phrase, ce qu'il avait dit sur le marxisme. Non, mais c'est vrai. Ah non, la première, non, c'était un commentaire, la première, non? Oui, je peux. Comment te félicito, comme que fue muy clara, tu contestes à l'autre comme muy. Ah, parfait, mais après il a répondu aussi. Non, que ça a aidé à comprendre en quoi, si, también, que tiene como un vínculo entre marxisme et féminisme matérialiste. Ah, parfait. Pardon, je n'avais pas compris la dernière partie. Mais la question, c'est que abre comme un dialogue et que hace que sea possible de travailler juntos. El uso de los términos de clase. Voilà. Désolé. Non, je trouve que la question, c'est très intéressante aussi sur qu'est-ce qu'on dit quand on dit décolonial et quelle est la relation entre marxisme et décolonialité. Voilà. Je vais commencer. Est-ce que nous avons du temps? Je peux parler, non? En fait, il n'y a personne après nous, donc on n'est pas, tenu par le temps. Je peux parler un peu. Oui, bien sûr. Ah oui, mais prends ton temps. Vous me dites. Ah non, moi je n'ai rien du tout. On peut créer un service. Je crois qu'avec la décolonialité, c'est très, très complexe. Parce qu'il y a une théorie décoloniale qui est comme hégémonique, tu sais, et qui sont les noms. Ils sont Aníbal Quijano, que j'ai commenté, Walter Mignolo, Maria Lugones. Graf Vogel, qui autre? Dussel. Ils sont tous de penseurs, surtout des hommes, mais il y a quelques femmes comme Maria Lugones, qui sont tous pensés, mais ils sont bien réfléchir sur la invisibilisant la situation de colonisation du savoir-pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que depuis 1492, depuis l'invasion d'Abiyala, il s'est produit une reconfiguration dans l'ordre mondial, tu vois. L'Europe, à la vis de Quijano, par exemple, n'existait pas avant 1492. Et la race, même pas. L'idée de race, pour Quijano, ça construit comme un système spécifique de classification des gens, comme un système de rapports sociaux, de pouvoir, se construit après l'invasion de l'Amérique. On peut trouver, parce que des historiciens ou des historiennes, ils disent, ah, mais il y a des mentions des concepts de race par exemple sur les juifs. Oui, c'est bien. Mais il n'y avait pas, je crois, un développement mondial, à une échelle mondiale, de la classification sociale basée sur la race, comme il l'avait après 1492. Donc, toutes ces sommes ont montré l'importance de l'Amérique latine et de toute l'Amérique pour la conformation du centre de pouvoir. Et le fait de que après la colonialité, parce que ce n'est pas la même chose, le colonialisme et la colonialité. Après le colonialisme était fondé, le colonialisme était fondée sur la colonialité, qui était la manière idéologique, économique et pratique de soutenir aussi la colonialité, et qui est basée sur beaucoup de penseurs comme Voltaire, Locke, etc., mais qui a un component qui est très important, qui est la naturalisation, l'idée de nature qui émerge pendant à peu près les mêmes années, dans l'illustration, je ne sais pas comment dire, c'était une idée qui voulait naturaliser et montrer qu'il y avait des choses qu'on pouvait utiliser comme par nature et naturellement, comme les ressources naturelles de l'Amérique, les matières primes, et les femmes aussi, les corps des femmes, c'est qu'a montré Federici en Europe, ça passait comme ça aussi en Amérique. Donc c'est très intéressant les approches. Mais ce que je trouve, après dire ça, c'est que ce sont des intellectuels qui ont bien problématisé les contenus, mais si on regarde les formes de production du savoir, ils sont tous des intellectuels qui sont aux États-Unis en produisant des connaissances depuis les États-Unis. C'est pour ça que c'est très intéressant que Sylvia Rivera Cusicanqui, qui ne s'appelle elle-même décoloniale, parce qu'elle trouve que décoloniale c'est comme une étiquette, comme bio, je ne sais pas, ici, bio, les produits bio, les produits décoloniales. Non, Sylvia Rivera Cusicanqui, qui ne s'appelle pas décoloniale, mais qui décolonise vraiment pour moi, elle a dit que l'Amérique latine exporte des intellectuels. Comme il a toujours et encore exporté des matières primes, et après elle exporte des intellectuels et elle réimporte après les produits manufacturés sur les noms de théories décoloniales. Parce que c'est manufacturé aux États-Unis avec la légitimité du Centre de savoir-pouvoir, de Binghamton University, de Duke University, et nosotros comemos regurgitado, dice, no lo voy a traducir eso porque es horrible. Si alguien entiende español, dice, comemos regurgitado lo que los pueblos pensaron. C'est que les peuples originaires ont pensé, ça s'exporte et ça revient sous la forme de la de commodity, de marchandises. Donc, je crois qu'on doit faire ces critiques dans la ligne d'un auteur qui est Walter Benjamin, de l'auteur comme producteur. Tu ne peux pas changer. Seulement dans le niveau de contenu, tu dois changer les formes dans que tu produis. Elle l'a dit à propos des arts, à propos du théâtre. Tu ne peux pas faire un théâtre révolutionnaire et être comme ça, avec les scénarios comme nous sommes ici, avec les scénarios et les spectateurs. Tu dois aussi révolutionner la forme dans laquelle tu produis. O sea, c'est basique. C'est l'idéologie, sinon c'est cacher les conditions de production. Je trouve que la théorie décoloniale hégémonique cache les conditions de production. Mais je trouve qu'il y a des autres théoriciens comme Sylvia Rivera Cusicanqui, toutes les féministes communautaires comme Lorena Cabanal. Je ne vais pas parler de Julieta Paredes parce que c'est compliqué les cas, parce qu'elle a été accusée de violence. Elle était la dirigeante d'un mouvement de féminisme communautaire à Bolivie. Mais bon, Julieta Paredes, Lorena Cabanal, Rita Segato aussi. Qui autre. Ce sont tous des penseurs qui font de la théorie liée au mouvement populaire, vraiment, des Amériques latines, depuis l'Amérique latine vers l'Amérique latine, pas des États-Unis vers l'Amérique latine. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et l'autre, c'était pour les rapports entre marxisme et décolonialité. La plus grande partie de ces penseurs sont très critiques du marxisme parce qu'ils trouvent qu'il y a une conception positiviste de l'histoire, tu vois, comme l'idée de qu'il y a un développement linéaire d'un mode de production vers l'autre et que l'acteur révolutionnaire et privilégié, c'est l'ouvrier mâle des centres, etc. Donc, ils sont tous bien problématisés, ces points de vue, et notamment aussi también, Sylvia Rivera Cusicanqui. Mais ce que je trouve très intéressant est qu'ils sont tous anticapitalistes, tous et toutes anticapitalistes, tu vois. Donc, ils ne se nomment pas marxistes, peut-être dans le même sens que le féminisme se dit matérialiste, ce féminisme matérialiste francophone, et pas marxiste. C'est pour se distancer d'une certaine conception, aussi d'une certaine conception de l'histoire, du temps, de la linéalité, d'une certaine positivité, de l'idée qu'il existe aussi seulement une contradiction et qu'on doit toujours soumettre toutes les autres contradictions. Et non, on parlait pour ça de Chéhemie, par exemple. Et le Chéhemie, c'est révolutionnaire, c'est anticapitaliste. mais on doit voir les films de Saint-Ginès, parce que on va voir. Merci pour les questions de tout. C'était magnifique. Ça s'est passé notre vie. Ah, ok. C'est juste pour répondre à l'intervention qu'il y avait tout à l'heure par rapport à la place des femmes dans la Russie bolchevique. Je ne peux vraiment pas idéaliser ce qui se passait pour les femmes en Russie bolchevique. C'est pas forcément très marrant. Il y a eu effectivement au début quelques droits explicatifs qui ont été accordés, notamment pour l'avortement. Déjà, il y a certains qui ont régressé très rapidement. Et en plus, de manière quotidienne, c'est pas un pays féministe. Ah, avec Stalin, oui, les droits de l'avortement étaient remplacés par la mère et honorifique, le titre de la mère, la grand-mère de Staline, qui était la mère qui avait plus de 10 enfants, par exemple. Il y a un concept en russe, on dit un concept pour dire bonheur, et aussi un concept spécifique pour dire bonheur féminin, qui est très valorisé, notamment on peut voir dans le cinéma, donc n'importe quel cinéma de l'URSS, et qui se traduit donc notamment par un travail tout à fait productif et très heureux dans les usines. Et aussi, surtout, qui atteint son sommet dans la rencontre avec un homme travailleur qui va dire se contenter et satisfaire la femme dans sa place de mère au foyer. Donc voilà. Mais juste peut-être parce qu'en fait, je crois là qu'il y a une toute petite avec ta question. En fait, ce que disait, j'ai l'impression, je veux pas parler à ta place, mais juste dans les discussions qu'on peut avoir, qu'on avait nous trois, quand on parlait d'une intensification en fait des rapports conflictuels entre les sexes, on parle d'une intensification qui se passe pendant un mouvement social et pendant le mouvement social, en fait, devient de plus en plus évident ce conflit-là. On n'est pas du tout en train de parler dans la Russie bolchevique, là, on est en train de parler justement de division du travail. Une fois le pouvoir, une fois qu'il y a accès au pouvoir, c'est exactement ce que disait Laïla tout à l'heure, les mecs le prennent, le pouvoir, en fait. Et là, on a les lois dont tu parlais à l'instant, etc. Donc, enfin, il y a, enfin, et toutes les limites, enfin, plus que les limites, toute la violence. Donc là, on est quand même sur deux moments différents, quoi. Et pour revenir sur la question de la Russie bolchevique, ce qui serait excessivement intéressant de voir, c'est comment, effectivement, la politique bolchevique, à un moment donné, pose des questions de division sexuelle des tâches, la question de la propriété, et comment, dans le mouvement même de la révolution, à un moment donné, ce qui pose problème, notamment avec une partie des paysans, ça va être la question de la propriété, en tant qu'elle touche tout de suite à cette question de la division des tâches. Et là, la révolution va toucher quelque chose qui ne se dit pas explicitement en termes de mœurs, qui ne se dit pas tout de suite en termes de hommes-femmes, et qui pourtant renvoie derrière à comment s'organise le travail en tant qu'il est déjà d'emblée genré et divisé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de te raconter. Alors, on pourrait dire encore autrement, à partir de féministes matérialistes comme Paola Tabet, par exemple, tu peux voir comment, parce que les femmes sont appropriées, c'est l'origine même du rapport travail sur travail qui a repensé à partir de la division homme-femme. Et l'origine de ce qu'on appelle le travail qui permet de penser ce que c'est que le rapport homme-femme. Et puis du coup, ce sera forcément l'abolition de ce qui est à l'origine du travail qui permet l'abolition du rapport homme-femme et pas l'inverse. Je ne sais pas si c'est dans fertilité naturelle et reproduction forcée. C'est la propriété privée dans ce cas-là, ou pour les féministes matérialistes ou pas? Ah non, c'est bien en deçà de la propriété privée. C'est même ce qu'on appelle le travail en tant qu'il distingue un rapport travail sur travail. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi l'origine, en fait? Est-ce que le problème là, c'est que tu poses les choses en termes d'origine. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine. Par contre, il y a des structures. Hein. Il y a le commencement des structures et les commencements qui sont politiques. Mais en ça, il y a un rapport avec ce que sont aussi les féministes marxistes comme Sylvia, comme Federici. Quand justement, en fait, elle dit pas, c'est né comme ça, elle montre tout ce que disait Louis Sina, toute la série d'éléments qui arrivent à une structure. En fait, avec les féministes matérialistes, et ça rejoint la question que tu posais toi en disant, mais comment on fait ? Avec une proposition quand même que je t'invite à questionner. Hein. Mais la question que posent les féministes matérielles, c'est qu'est-ce que c'est qui structure, qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes et des femmes ? Puisqu'il est évident que ce n'est pas du tout une question biologique, qu'est-ce qui fait exister les femmes et les hommes et les places dans des endroits si opposés en termes hiérarchiques et en termes d'espace ? Où est-ce que les gens sont placés ? Elles vont toutes répondre, c'est un rapport d'exploitation lié à une forme d'appropriation. Là où il y a une différence, c'est ce que disait Louis Sina, c'est entre Christine Delphi qui va dire, ce rapport d'appropriation, d'exploitation, il s'actualise par le mariage, mais toutes les femmes appartiennent à la classe des femmes parce qu'elles sont toutes, même si elles ne sont pas mariées, elles sont candidates potentielles au mariage, et à ce titre, comme candidate un peu avoisinant cette institution-là, elles appartiennent à la classe des femmes, ce qui en fait va poser des problèmes avec dans le dialogue avec les féministes marxistes qui vont dire, mais en fait, ça marche pas, votre théorie, là, enfin, là, il y a une faille. Et ce que Colette Biomain, là où Colette Biomain offre un autre chemin, une autre possibilité, en disant, en fait, toutes les femmes sont concernées par le rapport d'appropriation, qu'elles soient mariées ou pas, parce que l'appropriation prend deux formes, c'est ça la fameuse structure qui fait exister les classes, c'est une appropriation qui est individuelle, d'accord, là, la forme la plus poussée et caractéristique, c'est le mariage ou l'union libre, etc., on peut juste signer le papier, la forme collective qui va avoir son expression la plus poussée, par exemple, avec les religieuses, qui, elles, ne sont pas, par exemple, dans un rapport, voilà, en train de servir sexuellement, je ne sais pas qui, elles sont appropriées collectivement parce qu'elles sont dans des tâches de soins aux enfants, les orphelinats, dans des soins, en fait, qui sont qualifiés par les familles marxistes comme des soins de reproduction sociale. Mais en fait, c'est cette appropriation collective qui est en jeu quand on parle de viol, du fait que les femmes peuvent être kidnappées, tous les rapports qui vont ensuite s'individualiser, mais qui participent d'une appropriation collective. Alors là où Guillaumin, elle voit une forme de contradiction, parfois entre les formes d'appropriation privée et collective, d'autres auteurs, notamment Juteau et Lorrain, par la suite vont dire non, en fait, il n'y a pas tant de contradictions que ça. C'est plein de questions justement sur des féministes qui vont dire, ben, en fait, il faudrait essayer de repenser les formes d'évolution de l'appropriation des femmes, puisque en fait, là, en 2017, elles ne sont pas exactement comme celles qu'il y avait à la fin des années 60, mais comment se reconfigurent ces formes d'appropriation? Et c'est ça la question qui est posée, c'est pas à quel moment Dieu ou je ne sais quel superstructure, quelle est l'origine, le tampon qui fait qu'on est dans ce merdier, quoi. Oui, mais c'est aussi important, si tu veux pas reproduire un truc, de comprendre sur quelle base il se... Et du coup, dans cette espèce de situation de circonstances qui s'articulent les unes aux autres, etc., j'ai pas l'impression que Engels en fait autre chose, en fait. Parce qu'il dit... On voit bien que ça se soutient... Il dit que ce n'est pas très clair dans une des préfaces. Il dit comme qu'ils apparaissent en même temps. Dans une des préfaces, je ne sais pas si c'est la première édition, que c'est 1884 ou l'autre, mais il fait une déclaration où il dit qu'elles se marchent en même temps, la propriété privée et l'oppression des femmes. Mais presque tous les livres et après, toute l'explication, c'est que la propriété privée, c'est la chute, c'est la recommande des femmes. Donc il faut, oui, je crois, réembarquer ça parce qu'il y a une explication comme mécaniciste, de comme la propriété privée a marché, donc les femmes sont opprimées. Donc si on efface, si on détruit la propriété privée, donc automatiquement les femmes vont être libérées. Et on a déjà vu qu'à la URSS, à la Union soviétique, les femmes étaient, après Lénine et les premiers moments des droits de l'avortement, après avec... C'était tout renversé. Donc, et Alexandra Kollontai, que j'ai mentionné au début, elle s'est disputée avec Lénine et il a dit qu'il ne suffit pas seulement avec un changement économique pour aussi détruire et pour changer, pour bouleverser les rapports de sexe. Parce qu'il n'est pas. Et il ne dépend seulement du mode de production capitaliste. On peut abolir le capitalisme et pas nécessairement. Tu comprends? Il faut abolir le capitalisme. Mais il y a des autres rapports sociaux, comme l'appropriation. Et peut-être que tu habites dans une société communiste et c'est la même chose. Tu vois? C'est pour ça que j'ai amené. C'est la même chose. On peut avoir les différences. Mais, ouais. Ce que je trouve, c'est qu'historiquement, on a vu que la socialisation de la propriété, comme à Laos ou à Cuba, je peux parler aussi de Cuba, c'est problématique. On peut voir là-bas les rapports sociaux de sexe à Cuba. Et c'est très problématique. Donc, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas être aussi aveugles comme on peut penser que seulement les changements économiques. Tu vois, je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, tout à fait. Si, mais... Si, si, si. Mais il faut abolir le capitalisme, bien sûr. Mais ce n'est pas un changement automatique. Et c'est pour ça que le féminisme matérialiste n'est pas même plus économiciste, même pas déterministe. C'est plus, un peu plus complexe, je crois. Et du coup, ça permet de penser une totalité avec une double dynamique. Hein. Deux dynamiques, une de classe, une genre homme-femme, en tant qu'elles sont... Deux dynamiques qui ne sont pas entièrement superposées, mais qui sont nécessaires à la totalité de la structure. Ce qui veut dire que l'abolition de cette structure du capital est en même temps abolition du rapport homme-femme. Ce qui veut dire aussi, dans ce cas-là, penser peut-être le communisme comme quelque chose où les hommes et les femmes n'ont plus de sens. Et Engels est aussi sexiste. Elle croit à la couple humaine. Je n'ai pas parlé de l'hétéronormativité présente, mais on peut dire beaucoup de choses qu'il faut problématiser. Pas laisser de côté, parce qu'il y a des apportations, comme je dis. Je crois que le marxiste qui historise le mieux la relation, il dit ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose historique. Et l'oppression des femmes est historique. Et bien sûr, que comme nous a dit Silvia Federici, sur le capitalisme, les femmes sont plus exploitées, sont les plus appropriées. Et on voit, en Argentine, on peut voir ça aussi, avec le néolibéralisme, les conséquences surtout pour les femmes et les femmes racisées. Mais je trouve qu'on doit complexiser. Et c'est magnifique de pouvoir et faire des rencontres comme c'était. Alors, je peux juste... Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait... disposant de la capacité de reproduire la force de travail, qu'on est approprié, mais pas seulement en tant qu'exploité, mais en tant que personne possédant possiblement un utérus. Et du coup, que ce soit dans le capitalisme ou dans les périodes précédentes, c'est ce rapport-là qui est central dans la direction des femmes. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais ce que j'ai écouté, c'est sur la capacité de reproduire la force de travail. Tu avais parlé sur ça. Il y a des travaux très, très intéressants de Paula Tabet sur la incroyable infertilité des humains, tu vois. Nous sommes l'une des espèces les plus infertiles, tout au contraire de ce qui est installé dans les sens communs. Et aussi, nous avons les Homo sapiens, je ne sais pas, l'une des caractéristiques, c'est d'avoir dissocié les périodes de zélo, comment dire ? Les périodes de fécondité. De fécondité, du désir. Donc, ça rend la chose un peu plus complexe que dans certaines espèces d'animaux, pas toutes. Mais l'espèce humaine est de les plus infertiles. Donc, il faut organiser, nous dit Tabet, il faut discipliner, il faut encourager la reproduction, la disposer à merci. Oui, c'est pour ça qu'elle a écrit fertilité naturelle, reproduction forcée. Et aussi parce que pas toutes les femmes ont la capacité, la possibilité, ni même pas la capacité de reproduire. Des femmes cis, des femmes trans, des femmes transgenres. Donc, mais je trouve que oui, qu'il faut faire des analyses, et c'est la ligne aussi de Jules Falquet, qui l'a problématisé. Il dit, il y a des corps qui ont réussi à dissocier les corps de la force de travail, comme nous a dit collègue Guillaume, c'est les typiques ouvrières, les prolétariats. Mais il y a des corps qui sont appropriés dans leur totalité. Et ça répond aussi à une logique de que ce sont des corps qui peuvent faire des formes de travail. De travail productif dans le sens traditionnel et de travail de produire des autres corps. Et il faut penser ça. Mais je crois que nous rentrons dans un terrain très complexe parce que c'est aussi toute la chose de l'alquiler des utérus. Les portées, c'est très complexe, toutes les formes de travail qu'on peut... Je ne vais pas rentrer par l'air, mais c'est très intéressant vraiment de penser tout ça. Sur la question que tu disais, en fait, sur l'utérus, il y a quand même un truc, c'est que ça commence à devenir vrai aussi pour les femmes trans, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des recherches médicales qui se font pour faire des greffes d'utérus, en fait. En Suède, il y a, bon, c'est pas du tout la même chose parce que tant mieux, mais en Suède, il y a une femme trans intersexe qui a pu accoucher d'un enfant après greffe d'utérus, quoi. Donc du coup, on est dans ces possibilités là, et moi je me demande du coup si dans le Nord global, il n'y a pas une plus large acception, on va dire, des revendications trans, justement parce que la capacité de reproduction n'est pas remise en danger, parce que maintenant même une femme trans peut potentiellement donner naissance à un enfant. Pas tout de suite, c'est encore en France d'ailleurs, pendant longtemps, mais je veux dire, techniquement on peut en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais pour ça, je ne sais pas si je suis pas sûre d'avoir compris. Mais une chose que je voudrais souligner, c'est qu'en Argentine, nous avons une loi d'identité de genre et tu peux changer, c'est légal. Et l'État te doit donner tout l'accès, te doit garantir tant les changements dans ton carte identitaire, ton DNI, on dit, tu peux faire ça, seulement c'est aller chez la commissariat, les commissariats. Dans la pratique, ce n'est pas aussi simple, bien sûr. Mais légalement, c'est permis et on lutte pour que ça s'effectivise comme ça, parce que pour que ça s'actualise, la loi. Et c'est que tu peux changer et tu peux avoir aussi les traitements hormonaux. Mais je crois que ce n'allait pas par là, ta proposition. Je n'ai pas compris. La fin de ta phrase, on n'a pas entendu, en fait, je parlais du fait que maintenant, en fait, il y a une large... Je pense que dans le Nord global, il y a une large acception, en fait, de certaines revendications des luttes trans, ce que la TRAA appelle le translibéralisme, notamment. Ah, ouais. Parce que je pense aussi que techniquement, on peut maintenant... Pour le moment, c'est une possibilité, mais on ne l'a pas encore fait, on ne le fait pas encore, mais techniquement, on peut faire une greffe de l'utérus sur des corps de femmes trans. Et c'est pas pour rien si d'ailleurs aussi, on pense que la phalloplastie pour les mecs trans, elle craint toujours autant et que ça donne pas autant envie aux hommes trans d'avoir une phalloplastie. Et que en fait, ils ont encore du coup l'organe reproducteur, quoi, qui permet la naissance des enfants et tout. Donc, du coup, je trouve que en fait, la remarque elle est assez intéressante, même dans les questions trans, parce que finalement, ça tourne aussi autour de ça, en fait, de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a même des féministes radicales aux États-Unis qui disent que du fait que les femmes trans puissent avoir, c'est vrai, je jure, c'est vrai, que du fait que les femmes trans peuvent avoir des utérus, ce sont des real women. Donc il y a vraiment quelque chose qui est hyper qui est en train de se jouer autour de ça. Oui, bien sûr. Ce sont des quoi, peut-être? Des real women. C'est ce que Tabeth appelle la construction sociale du groupe femme. La grande question, pourquoi ces gens qui ont un utérus sont systématiquement, dans tous les modes de production, dépossédés des armes les plus létales, des armes les plus efficaces? Pourquoi ces gens qui ont un utérus sont systématiquement à une place particulière dans les rapports de production? Il semblerait, effectivement, alors il y a des théoriciens, je ne sais pas moi, la théorie communiste, ils proposent le fait de penser le fait que la population est la première force productive dans tous les modes de production. Ce qui fait que dès qu'il y a travail, il y a donc travail sur travail, donc il y a hommes et femmes. Je ne sais pas si c'est... Si c'est très clair. Voilà, dès qu'il y a travail. Ce qui veut dire aussi, du coup, que dans le capitalisme, le capitalisme est entièrement hétérocentré. Et que plus le capitalisme avance, plus le rapport homme-femme, de même que le rapport riche pauvres se creusent, le rapport homme-femme se creuse aussi, même si certaines femmes pensent, parce qu'elles sont bourgeoises, qu'elles peuvent se distraire du rapport. En dernière échéance, comme le dira Tabette, le dernier des sans-papiers pourra toujours se payer une pute dans le capital. L'inverse n'est pas vrai. Exactement. Voilà. En fait, du coup, ça rebondit un tout petit peu sur la première question que tu posais quand tu disais la sexualité a été complètement mise de côté par les féministes matérialistes. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Plutôt, elles l'ont intégré à la question du travail, mais en tant que travail, la sexualité elle a été largement traitée. Donc, par Paola Tabette, donc dans les deux articles qui sont là, mais aussi elle est surtout beaucoup connue pour sa théorie sur le continuum des échanges économico-sexuels. Mais il y a une autre féministe matérialiste qui est des fois pas trop reconnue comme telle, alors qu'elle elle raconte sa rencontre avec les féministes matérialistes francophones comme une grande rencontre théorique. C'est Gail Peterson qui a écrit Le prisme de la prostitution et qui est en fait un ouvrage qui s'adresse à toutes les femmes et qui justement pense comment le stigmate de pute est quelque chose qui est comme un glaive au-dessus de toutes les femmes. Et donc Gail Peterson qui adopte une approche éminemment matérialiste pense premièrement des questions de sexualité. Monique Wittig. Et Monique Wittig aussi, bien sûr, j'allais dire. On n'a pas parlé de Monique Wittig, mais elle est... Et là, pareil, c'est une réponse à ta question à toi, mais peut-être pas ma masse. C'est sur qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, Monique Wittig, elle, sa proposition, c'est le lesbianisme politique, en disant, en fait, on s'en va, cette appropriation individuelle qui se vit d'abord et surtout dans un couple hétérosexuel, il faut en partir pour des raisons politiques, il faut se tourner vers le lesbianisme politique en comparant cette fuite-là comme à la fuite des esclaves marrons, qui fuyait individuellement, même si ça ne permettait pas de remettre tout en question le rapport d'appropriation globale, en l'occurrence l'esclavage. Et elle fait cette comparaison. Et d'où, en fait, dans toute la construction de Colette Guillaumin du sexage comme rapport d'appropriation, c'est un rapport qu'elle compare au rapport d'esclavage et de servage, où il y a une propriété sur le corps comme porte de travail, et pas qu'une propriété du patron sur la force de travail seule. Là, le corps outil. Enfin, réserve de force de travail approprié. Et Marx même, il lui a dit dans Le Capital, il a dit l'homme, il est l'homme qui vend la femme et les enfants. C'est déjà là. Il a bien vu, je crois, Marx, mais il n'a pas problématisé que les travailleurs libres, on dit comme ça en français, c'est la même chose, les travailleurs libres, comme la fiction juridique et économique, possibilitant aussi le capitalisme, junto con la conquista avec la merveille que la France. Mais c'est une fiction que c'est masculine. Total. Ce n'est pas, nous ne sommes pas la France. Toi, il y avait... En fait, il y a une question. Enfin, je voulais juste poser une question très technique. Je voulais savoir, c'était super clair, elle est super intéressante. Il y a plein de choses que personnellement je ne connais pas et que je n'ai pas goûté, j'aimerais bien reprendre et tout. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des traces qui vont rester de ce que vous venez de faire? Et deuxièmement, quand est-ce qu'on va pouvoir vous revoir En particulier, principalement, bien sûr, mais vous aussi, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de vos projets publics pour les mois à venir? Merci. Nous avons une journée d'études parce que Estelle l'a dit au début que nous sommes dans le cadre et dans un partenariat entre l'Université La Plata où je travaille et à l'Université Paris Diderot où est Estelle et Jules et avec Maria-Louisa Femenias qui est ma directrice dans la relation hiérarchique de doctorante. Et on va faire une journée d'études qui s'appelle Féminisme décolonial, comment ça s'appelle? Alors, c'est le 2 novembre, ça s'appelle Épistémologie féministe décoloniale. C'est Perspective féministe décoloniale, épistémologie des pratiques. Non, je l'ai encore, ça y est, c'est bon. Épistémologie féministe décoloniale des deux côtés de l'Atlantique. Ah ouais. À quel temps ? Des deux côtés de l'Atlantique, épistémologie des pratiques. Et donc, c'est une journée d'études toute la journée à Paris 7. Attention, il faut s'inscrire. Il y a déjà. Enfin, je vous conseille de vous inscrire. En fait, c'est des questions d'accès à la salle. Parce que c'est un truc relou, il faut avoir un badge pour la salle du matin. L'après-midi, petit secret entre nous, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous pouvez venir directement. Et donc, c'est une journée d'études consacrée aux perspectives féministes décoloniales, où Louis Sina présentera le matin, Amiga. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'est toute la journée, c'est très intéressant, tout ce qui vient. Pareil, 7. Ouais. Pareil, 7 Diderot. Et c'est à quelle salle ça change? Bah, on va, c'est sur l'internet. Et je peux laisser mon email si vous voulez. Lucina Boya, que c'est mon nom et prénom, arroba gmail. Oui, nous on pourra relayer des choses. Ouais, on va relayer le. On peut le mettre sur la page Facebook du séminaire, la journée d'études, bien sûr. Okay. Et je peux vous donner les textes aussi. Si on va les mettre en ligne de toute façon. Ok, le travail de Lucina qui s'appelle Marxisme et féminisme en dialogue, relecture critique autour de la division sexuelle du travail. Hein. Je peux voir aussi Jules Falquet. Pardon, j'avoue, On recommence. Tu auras l'article. Marxisme et féminisme en dialogue, relecture critique autour de la division sexuelle du travail de Louisina Bola. Si tu veux une grande synthèse aussi, tu as Traffic and the Woman, hein, par exemple, dans les articles de Jules Falquet. Hein. Oui, Jules Falquet, il ligne, a hein. toutes en ligne. C'est une dernière grosse synthèse. Hein. Elle est la héritière de la ligne ici en France. Jules Falquet. Elle est à Jules Falquet, @WordPress, je crois, mais si tu mets Jules Falquet, tu as tous les travaux. Il y a un travail très intéressant. Pardon, excuse-moi. Toutes les publications, il y a des cahiers du CEDREF, en fait, elles reviennent quand même pas mal sur. Donc, les cahiers du CEDREF, c'est les cahiers du laboratoire où je suis avec Jules et d'autres féministes qui sont dans cette perspective-là. Et donc, les cahiers du CEDREF, ils sont accessibles tous en ligne. Oui, c'est magnifique. Il y a aussi des perspectives décoloniales dans les cahiers du CEDREF, c'est magnifique. Du coup, j'en profite pour faire la pub des camarades qui m'ont demandé d'en parler du séminaire genre à l'ENS. Vous avez l'adresse mail et la page Facebook si vous. Tous les 15 jours le mardi. Tous les 15 jours le mardi, c'est ça. Mmh. Voilà. Peut-être qu'on va continuer à discuter en bas, vous savez, ceux qui veulent, parce que sinon ça fait beaucoup de mouvement et je pense que tout le monde a besoin de débattre. Merci. La semaine prochaine, ça sera sur la théorie de la valeur. C'est Charles qui viendra présenter ça. Je crois que c'était très bien. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci